manda pa' arriba. Saca patita, lechera, chiquita. Guarumo, me duele la chonteca. Rato me agüito, me daba con seca. Así es la pandilla, la banda. Monde de merde, monde de merde, monde de merde. Monde de merde, monde de merde. Ah oui, monde de merde. I believe that it's a creature from another world, another time. Oui, je sais, c'est qu'ils sont deux fois pires que tout le reste. Ils braquent des banques là à ce moment-là et vous me pétez les couilles pour un couteau et une bombe lacrymo. Attendez, wow, c'est quoi ça? Pas les couilles, on travaille. Non, arrêtez. Oh, oh, si tu veux faire le malin, tu vas finir à la brigade. Hein. We'll be right back. gagne. Les gamins rebelles brûlent des poubelles. Ce soir c'est la fête. Petit agité. Tous des ferruriers. Petit ferrurier. Tous des agités. Bien voir comme il fait chaud. Les caisses sont des tonneaux. C'est le grand rodéo. Je sais peut-être qu'à Gaulle t'as perdu la boule. Et le monde s'écroule. La cité des bachots. Quartier des agités. Comment d'opérer. Tu avances masqué. Dans le noir sous papier. Comment d'opérer. Gabachos Contrabandateo en direct de Barcelona. Et ouais, pour une émission spéciale ce soir, une émission spéciale pourquoi ? Parce que c'était les élections hier soir. Voilà, donc à chaud, à froid, à tout ce qu'on veut, il fallait une émission spéciale pour ce thème. Et en l'occurrence, on a rappelé notre invité d'il y a 3 semaines. On n'a pas fait d'émission, c'était pas volontaire, mais il n'y a pas eu d'émission pendant les élections, juste avant, et voilà, de retour juste après. Alors juste après, on peut pas mieux faire, un lundi soir, un jour pour jour. Après les élections, et on a Pascal Coma qui est là parmi nous ce soir, qui était venu nous présenter son bouquin « Penser à Rebousse-Poil ». Et « Penser à Rebousse-Poil », effectivement, livre libéral, entre autres. Après, on voudra savoir un peu les bases de sa définition du libéralisme, justement. Hein, Pascal, t'es là pour ça. Et puis, pour savoir, il y a eu des heureux, il y a eu des perdants, des gagnants, des pleurs, des rixes, des émeutes, tout ce qu'on veut. Un sacré bordel comme on s'y attendait. Effectivement, certains s'y attendaient, certains s'étaient déjà vêtus de noir ou de bleu ou de rouge ou tout ce qu'on veut dimanche après-midi. Mais ouais, effectivement, on pouvait voir où ça, à Barcelone, les élections, on pouvait y être à l'Institut français, on pouvait aussi aller voir dans des troquets plus ambiance bière, ambiance plus football et écran géant, pseudo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, pseudo fashion élection. Non, c'était sérieux hier à l'Institut français, effectivement. Pascal, où c'est que tu as vécu une grande victoire, une grande défaite pour toi hier soir ? J'étais à Barcelone, je venais juste de rentrer sur Barcelone, et c'était une victoire pour ma part, oui, qui m'a fait plaisir. Donc toi tu as débouché le champagne hier soir, tu étais content, tu t'es réuni avec des potes, je sais pas. Non, on était en comité restreint, ça a été pas. On n'a même pas sabé le champagne, on était content, mais il y a encore beaucoup d'étapes, il y a les législatives, etc. Et puis ensuite il faut transformer C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, eh ben, il faut le faire. Et ça ne va pas être facile. Parce que... Bah, écoute, ça ne va pas être facile, effectivement, parce que une campagne et puis un programme un petit peu compliqué quand même pour une bonne partie des Suisses en France, puisque effectivement les gens sont même surpris du score de Ségolène Royal qui était vraiment pas loin, donc 47% à 53%, hein, on va dire ça comme ça. Pascal, t'es d'accord? Voilà. Et effectivement, donc alors explique-nous justement par rapport à ton bouquin, toi, ta vision de la France, pourquoi ça marche pas, tout ça. Tu t'es retrouvé dans le programme de Sarko. Par exemple, dans quel chapitre de ton livre, toi tu suivrais quoi exactement? On va dire que, bon, pour moi, si pour moi Sarkozy est un meilleur candidat que Ségolène Royal, par exemple, c'est que... Ça, les gens s'en sont rendus compte. Il y en a certains qui ont été rejoindre Bérou en se disant ça peut être une alternative. D'autres qui ont suivi les minorités. Effectivement, au premier tour, on a vu que ça représentait trois fois rien. Même Le Pen qui s'est cassé la gueule, tout ça. Pour parler en fait, bon, de manière un petit peu, on va dire, générale, avec un grand angle. D'accord. Et pour parler d'un aspect qui est plus spécifique, l'aspect économique, qui est quand même un des aspects les plus importants, parce que l'économie, ça conditionne la vie de beaucoup de gens, de tout le monde, des entreprises, des plus défavorisés, des autres. Mon point de vue est que la France, depuis 25 ans, est rentrée dans un étatisme, un poids de l'État, une rigidité des structures. Ça, c'est par rapport au côté libéralisme que toi, tu soutiens. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, la France a besoin d'un peu moins de social-marxisant, d'un peu moins d'étatisme à tout craint. Elle a besoin d'alléger les structures, de les rendre plus performantes, ce qui ne veut pas dire supprimer les structures, ce qui ne veut pas dire supprimer les solidarités. D'accord. Il ne s'agit pas de ça. Simplement, tous les observateurs français, étrangers, un petit peu lucides, savent très bien qu'on court à notre perte si on continue dans cette direction. Oui, bien sûr. On le sait que la gauche, effectivement, personne s'est fait d'illusion, quoi que ce soit. C'est un constat. Le constat, et c'est effectivement, tu parles au niveau international, je sais pas moi, cette main tendue immédiate dans son discours au sujet, on va suivre les Américains, ce sont nos amis. Est-ce que les gens s'y attendaient, son électorat, qu'au bout de une minute, bien sûr. Bon, on a voulu présenter Sarkozy comme le Namo de Bush. Parce qu'il a serré la main à Bush aux États-Unis il y a quelques mois. Alors écoute, je cite, moi j'ai... Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a rappelé qu'on restait les amis des États-Unis, et je pense que compte tenu de l'histoire que la France a avec les États-Unis, c'est pas quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Laisse-moi terminer là-dessus. Il a quand même dit aux États-Unis, il a parlé du réchauffement climatique, il a dit que c'était indigne d'une grande nation de ne pas être la première à agir sur ce point. Et excuse-moi, mais un homme d'État, à ce moment-là, avec l'audience qu'il a à ce moment-là, qui se permet d'envoyer ce message aux États-Unis, je trouve que c'est couillu, si on me permet l'expression. Et oui, mais ça va de bon sens quand même. Tout le monde le sait bien, les États-Unis, il faut qu'ils s'y mettent dans cet élan mondial. Oui. Donc, alors, Monsieur Sarkozy qui a dit... voilà, je me sens étranger dans mon propre pays, il a été dire ça aux États-Unis, et certains en France m'appellent Sarkozy l'Américain, j'en suis fier. Qu'est-ce qu'on peut interpréter par là? Que comme beaucoup de gens en France, dans leur jeunesse ou dans leur rêve, etc., il y a beaucoup de choses qui les ont fait rêver aux États-Unis. Moi, c'est pareil pour ma part. Il y a beaucoup de choses des États-Unis que j'aime. C'est un droit, hein, effectivement, on peut s'influencer, trouver des choses sympas aux États-Unis et en trouver dire. Des choses en aussi même temps, mal quand même. Je suis aussi lucide et conscient que la plupart d'entre nous, dans ce studio par exemple, de tous les méfaits qui ont été faits par les administrations américaines, par la CIA, par le FBI, je connais l'histoire, je connais les dossiers, aussi bien que tous les gens qui aujourd'hui, parce qu'il y a Bush... généralise et par rapport aux États-Unis ont une attitude un peu excessive. D'accord. On va mélanger l'administration temporelle et les États-Unis, le peuple américain. Qui évolue parce qu'ils seront nés à voter aussi. Tout à fait, oui. Mais on voit dans un certain passé effectivement un Sarkozy proche du PP en Espagne, de Tony Blair. Et puis apparemment, de la droite fasciste en Italie également. Écoute, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas quels ont été ses contacts avec les droites italiennes. Voilà, il y a des choses qui circulent, des choses véridiques, écrites, noir sur blanc dans des médias, de la presse, sérieuse. Oui, mais tu sais, je vais te dire, le nombre de choses qui ont été écrites noir sur blanc dans les médias, dans les presses, et qui étaient complètement fantaisistes et fausses. Alors, des exemples, justement, au cas Sarkozy. Qu'est-ce qu'on a pu te dire de faux dans la désinformation d'Internet, par exemple, ou l'information? Oh, des exemples, il y en a en pagaille. On aimerait bien savoir, parce que nous on a fait quand même notre enquête, Los Gabachos, on s'est informé, on a été vraiment voir de près plein de choses, et puis il y a un paquet de choses à dire, on va voir un peu l'évolution de tout ça. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de souligner dans quelle mesure la diabolisation de Sarkozy a été extrême. Et des choses qui ont été dites ont été exagérées. Maintenant, je ne suis pas non plus l'avocat de Sarkozy, c'est-à-dire que je ne connais pas tous les dossiers. On ne dira pas l'avocat Sarkozy de l'ange ou du diable, bien sûr, voilà. Mais on prend un exemple. Moi, je reçois par mail un soi-disant communiqué de presse suite à l'affaire de l'arrestation du sans-papier à Belleville, une école. Le communiqué de presse, soi-disant communiqué de presse, en tout cas marqué communiqué de presse, c'était « oui, aujourd'hui, en France, les rafles ont recommencé à la sortie des écoles, on gaze nos enfants, on lance des bombes lacrymo sur les enfants, etc. Bon. » Non, ça a dégénéré une bavure, peut arriver. On connaît l'histoire, il a fallu chercher des vrais communiqués de presse pour savoir quelle était l'histoire. Le texte en question, soi-disant communiqué de presse, est une chronique d'Arnaud Vivian sur France Inter. Il semble que, la presse soit en fait tout entière l'objet d'une conspiration médiatico-financière en faveur de Sarkozy. Quand on écoute France Info, Radio France, qu'on lit Libération, qu'on regarde Canal+, c'est pas franchement l'impression qu'on a. C'est le moins qu'on puisse dire. Justement, on va parler. Mais TF1 et Paris Match, ça fait pas un complot médiatico-financier. Et puis il y a beaucoup de journalistes de gauche à TF1, va en chercher à Libération, au Monde, etc. Tu n'en trouves pas. Mais justement, les vrais amis de Sarkozy, au niveau de la presse, on va voir un petit peu, puisque il s'est entouré de gens compétents, bien sûr. On espère, du moins, pour son futur gouvernement. Voilà un certain, alors apparemment, alors avec qui? Ouais, effectivement, avec Arnaud Lagardère, qui est un bon pote à lui, président du conseil d'administration d'Airbus également. Oui, ça donne l'occasion de parler de l'histoire de Paris Match, où soi-disant le bras long de Sarkozy a fait virer le directeur de Paris Match. C'est complètement faux. Il y avait un deal entre Lagardère et le directeur de Paris Match. Ils avaient déjà des rapports qui n'étaient pas très bons à la base. Et le directeur de Paris Match a fait une erreur. Il a franchi une ligne rouge, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à la vie privée des hommes ou des femmes politiques en France, ce qui est très bien, parce qu'autrement on pourrait parler de Ségolène Royal, ce qu'on ne fera pas. Les politiciens viennent s'afficher avec les people et dans des émissions de ménage de plus de 50 ans, les dimanches. Non, mais là, il s'agissait de Cécilia Sarkozy à New York avec l'histoire que l'on connaît. Ça n'avait aucun intérêt journalistique. Et, ce directeur de Paris Match a franchi une ligne rouge. C'était une histoire entre Lagardère et le directeur de Paris Match, Sarkozy. Histoires entre eux, Lagardère et ses collègues et ses proches, Sarkozy qui n'est pas trop loin. Donc, Monsieur Lagardère, patron du groupe Hachette, du Monde, Parisien, Europe 1, Paris Match, tout ça. Et puis aussi Martin Bouygues, propriétaire de TF1, également, bien sûr. Et puis, la presse régionale, donc Arnaud Lagardère la tient également. L'autre moitié, c'est Serge Dassault. On nous appelle les standards pour cette spéciale émission. Juste une parenthèse au niveau de Paris Match. Tu dis qu'ils ne doivent pas parler... c'est un ramassis de vie privée, d'accord. On est d'accord. Les autres personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles portent plainte. Mais il n'y a jamais de directeur de ce genre de... Je suis pas un lecteur très régulier de Paris Match. Il me semble qu'en général, Paris Match, tu vois les couples en vacances, au soleil. C'est un peu comme Ola en Espagne. Mais tu n'as pas les histoires, femme du roi d'Espagne avec son amant aux îles. Il y a eu un bouquin qui est sorti à ce sujet-là, justement sur la vie privée des hommes politiques, qui est sorti juste avant les élections avec ça a été énorme. C'est passé comme une lettre à la poste. Bon, après ça, on va pas rester là-dessus, effectivement, sur Cécilia's histoire avec Sarko et compagnie. Alors également, il a comme pote Serge Dassault, Le Figaro, TV Magazine, L'Express, Expansion. On a l'impression que déjà, il y a un contrôle quand même d'amis, de gens proches. Parce que, moi j'ai reçu des infos de la presse alternative de Paris qui déjà envisage de bouger. propagande.org va bouger de Paris. C'est des serveurs web qui ont des soucis actuellement. Voilà, par rapport à une nouvelle loi qui est déjà mise en chemin, les lois LEN pour l'interdiction des sites au contenu trop libre. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est qu'un contenu trop libre. Donc, propagande.org, et donc, il y a du monde qui commence à flipper à Paname actuellement, entre autres. Voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Je ne sais pas. Pour moi, tout ça, c'est des théories de la conspiration qui font perdre du temps et qui nous empêchent de débattre des vraies choses et des vrais problèmes. Et, Sarko arrive comme un sauveur pour beaucoup. Sauveur, c'est un grand mot, mais en tout cas, par rapport à beaucoup de gens qui attendent les réformes qu'on a mis 25 ans à ne pas faire, effectivement, il y a des gens qui disent ouf, on va enfin pouvoir sortir la France de là où elle est en train de s'enfoncer. Donc, il y avait un immobilisme actuel de la gauche, même si la droite, ça fait deux mandats qu'elle était déjà au pouvoir. Mais la droite de Chirac, c'est-à-dire la droite de Chirac, bon, Chirac, on sait très bien que c'est pas un homme de droite, c'est une droite, voire centre-gauche. D'accord. Il y a beaucoup d'analystes qui pensent qui estiment que Chirac, il est autant, si ce n'est plus à gauche, que Zapatero. Et ce qui s'est passé avec Chirac, c'est que les quelques mesures, les quelques réformes qu'il a essayé de faire 3 ans après son investiture et l'état de grâce dont il a bénéficié, je veux dire, il a suffi qu'il y ait les grèves de 95, etc., pour qu'il fasse marche arrière et qu'il essaie presque plus rien. C'est-à-dire qu'on a perdu sous Chirac un temps fou. Et Chirac a une grande responsabilité, c'est-à-dire que je ne fais pas que, en l'occurrence, faire des reproches à la gauche, je fais aussi des reproches à la droite de Chirac. Oui. Bien sûr, mais là peut-être que des gens s'attendent à une droite bien à droite, bien radicale. Également sur le contrôle des individus, monsieur Sarkozy a dit qu'il voulait contrôler chaque individu. Ça fait rire, mais c'est des choses déjà bien mises en place. On va revenir sur ce thème des contrôles de tout ce qu'on veut. Bah, je suis prêt à avoir toutes les informations et puis ensuite à les examiner de près. Parce D'accord. que jusqu'à présent, beaucoup des informations que j'ai reçues sur Sarkozy, une fois un examen un petit peu approfondi, elles s'avéraient être vraiment soit déformées, soit grossies avec une loupe multipliée par 100. Quoi. D'accord. Bah, on va regarder sur les faits réels, justement, de Sarkozy. Donc, on a parlé des amis de Sarkozy. Voilà, effectivement. Alors, il y a des choses qui se sont mises en place. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire entre autres, effectivement. Donc, il y a déjà des gamins, là, qui sont suspectés, qu'on prenne leur ADN, apparemment, d'après ce que certains disent. Et puis, donc, apparemment, il y a des experts qui se sont autoproclamés en criminologie, Alain Bauer et Xavier Rofer, voilà. Alain Bauer autoproclamé, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu depuis longtemps et qui est éminemment reconnu et respecté dans son domaine. Et je sais pas, enfin c'est des choses qui circulent. Un certain Estrosi, qui au nom de la sécurité nationale fait prélever l'ADN dès la naissance. Tout ça, c'est l'entourage de Monsieur Sarko. Qui dit ça? La source. Monsieur Estrosi, voilà. C'est Estrosi, un sarkozyste convaincu. Voilà, on apprend ça, des collaborateurs. Un paquet de choses. Voilà, et surtout que depuis 2000, on utilisait effectivement ces histoires d'ADN sur des infractions de nature sexuelle en 2000, puis depuis 2001 sur les crimes, depuis 2003... Donc les fichiers sont utilisés apparemment par la police pour des étendues pour la quasi-totalité des crimes et des délits d'atteinte aux personnes et biens. Vol, destruction, tout ça. Voilà, au trafic. Et on prévoit aucune limite d'âge. C'est des choses qui sont déjà mises en place et qui vont durer, je ne sais pas, rapport à ça. Tout ça, ce sont des informations comme il en a été jeté ou grossi ou amplifié depuis bien avant le début de la campagne, d'ailleurs, au sujet de Sarkozy. Encore une fois, je veux dire, Sarkozy, il va peut-être faire des erreurs, il en a certainement fait avant. On va peut-être les mettre en évidence sur certains points, mais je ne vais pas sauter sur chaque information qui accuse Sarkozy. Il a fait l'objet d'une diabolisation pendant cette campagne qui n'était pas à l'honneur du camp, de son camp opposé, alors que... Son propre camp, peut-être, aussi. Non, mais de son propre camp. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens sont d'accord pour reconnaître qu'il n'y a pas eu d'attaque personnelle. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'eupénisation des esprits à gauche. D'attaque personnelle, apparemment, il a attaqué... Il a dit que Libération lui voulait du mal. Oui, ça, c'est pas une surprise. Il suffit de lire les titres de Libération pour savoir que, comme Canal+, c'est une armée préparée à enfoncer Sarkozy sous n'importe quel prétexte. Oui, mais bon, Sarkozy... Il est quand même super agressif, il est extrêmement agressif. Il a traité je ne sais plus quel ministre de salope. C'est quand même un peu exagéré en étant maintenant le président de la République. Il l'a traité où, quand Je crois que c'était Marie-Georges Buffet, si je ne me trompe pas. Attention, là on va revenir là-dessus, j'ai des infos. Juste par rapport à la presse, une petite chose que je voulais dire, tu disais, oui, y a quand même, on dit que tout le monde a la presse, que Sarkozy a la presse derrière lui, et tu prends en exemple Libération et Canal+, c'est vrai. Mais derrière ça, il y a quand même beaucoup plus de médias qui sont derrière, et surtout, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils regardent? TF1. Ouais. C'est ça, après, il faut voir la place. C'est comme tu dis, ok, le canard enchaîné, on ils ont cassé Sarkozy, mais personne n'est le canard enchaîné. On sait bien le rôle par des contre, médias. TF1, tout le monde le regarde. C'est toute la presse, et le Figaro, et tous les autres. Il y a énormément de presse à très, très vue, enfin très... Et écoute, hier, on pouvait voir France 2, le concert en direct, on se serait cru à la Starac. Avec en simultané le concert aux Tuileries. Sarkozy pour ses goûts musicaux. C'est hallucinant. Enfin, il s'est promené en voiture suivi de près pour aller au Fouquet voir ses amis People. Ah oui, on a l'impression de. Enfin, je sais pas. C'est nouveau. On va vers de l'avant de cette manière. Ou bien la politique qu'on a vue avant est complètement dépassée. Que ça énerve des gens que Sarkozy soit allé au Fouquet. Bon, il est allé remercier des amis proches qui l'ont soutenu pendant la campagne, dont certains qui sont des artistes. Et on sait ce que c'est pour un artiste que de soutenir un homme de droite, puisqu'en général, dans les milieux artistiques, je suis bien placé pour le dire, c'est-à-dire, la majorité des gens sont à gauche, et un artiste qui défend un homme de droite, il se trouve accusé de fascisme ou de d'être réactionnaire d'emblée. Excuse-moi, en parlant des artistes, quand on voit justement, simplement en voyant les people qui défendent les différents candidats, simplement quand on voit ceux qui défendent Sarkozy, ça fait peur. Mais écoute, on a vu Doc Gynéco Johnny Hallyday, Stevie de je sais plus quoi. Le discours de Johnny est impressionnant. C'est des gens qui font peur. Enfin, déjà, en quoi Doc Gynéco ou Johnny Hallyday font peur? Et leur exil fiscal vers la Suisse, montrer l'exemple. C'est déjà Doc Gynéco qui a des problèmes la justice. Mais Johnny Hallyday, il a bien raison. Moi, j'aurais le patrimoine qu'il a, je serais parti en Suisse. Mais c'est pas qu'ils font peur dans le sens... Ça, c'est pas un problème, son soutien, justement. Mais Johnny va revenir avec Sarkozy, il va revenir. L'impôt sur la fortune va disparaître. Non, c'est faux. L'impôt sur la fortune ne disparaîtra pas en France, tu sais pourquoi? Parce que 70% des Français sont soit favorables à son maintien ou à son renforcement. Donc politiquement, supprimer l'ISF, ça a déjà coûté très cher à Chirac. L'ISF, c'est un poison que Mitterrand a mis en place et dont on ne peut pas se débarrasser. En Suède, oui, on peut se rendre compte que l'ISF est une bêtise et décider en concertation entre toutes les fractions du peuple que c'est une bêtise qui dessert le pays et le supprime. Ah, mais ça, je suis d'accord que ça... En France, on ne peut pas le faire. Tout le monde sait bien aujourd'hui, à part les gens qui ne sont pas vraiment informés, que l'ISF nuit à tout le monde, y compris aux gens qui les supposent aider. Mais on ne le supprimera pas parce que politiquement... c'est trop incorrect et que la France est un pays de gens qui sont quand même souvent très jaloux. Hein, et que supprimer l'ISF, c'est-à-dire faire ce cadeau aux riches, ça passe pas, la pilule passe pas. Mais tu sais, en parlant économie, on disait justement par rapport à l'ISF ou plein de choses comme ça, on dit souvent, enfin, on pense sous la gauche c'est plus dur. Sous Mitterrand, c'est quand même les années 80, c'est les années tapis. On ne s'est jamais autant enrichi en France. Les patrons du CAC 40 sont parmi les plus riches au monde. On vit bien en France, il y a de l'argent, l'économie va bien. Après, que l'impôt soit mal utilisé, qu'il y en ait trop, quoi que ce soit, mais l'économie va bien en France. Non, c'est faux. Après, ceux qui prennent, c'est les petits. C'est les petits. Bon, après, soit la droite ou la gauche, ils n'ont jamais été aidés. Et c'est le problème en France, c'est que souvent, c'est les gens qui sont justement à la tranche moyenne qui payent pour tout le monde. Parce que quand on n'a rien, on ne paye rien. Quand on a beaucoup, ça peut monter vite. Mais celui qui paye pour tout le monde, c'est celui qui est juste. Et ces petites entreprises, maintenant, les gros patrons... Ils n'ont pas de problème financier, je veux dire, ils n'ont pas perdu d'argent sous la gauche. Non, il y a beaucoup de choses, ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses, il faut prendre les choses une par une. Que ce soit les plus défavorisés qui chargent quand ça va mal, ça, c'est une règle, c'est toujours pareil. Donc c'est eux, si ça va mal, que ce soit un gouvernement de gauche, de droite, ça va mal, ce sont toujours les plus défavorisés qui vont le plus charger. Parce que les riches, effectivement, ou éventuellement les classes moyennes, ils ont un coussin pour... Ça ira moins bien, mais ils ont un coussin pour ça. Et le problème, c'est que plus ça va mal, entre guillemets, je veux dire, plus on dissuade ceux qui ont des capitaux, des patrimoines, etc., soit de prendre des initiatives, de créer des investissements, des entreprises, ou qu'on les taxe tellement qu'on leur donne envie de dire « bon, basta, ça suffit ». eh ben, on ne rend pas service au pays. Parce que ces gens-là, on a besoin de leur capital, de leur patrimoine pour investir, pour conseiller des gens. Oui, d'accord, mais d'une droite radicale. C'est surtout ça la question, d'une droite. C'est bien ce que c'est qu'une droite. Simplement, les gens, toutes les entreprises ne sont pas parties à l'étranger quand il y avait la gauche. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui restent. Après, c'est vrai que ça ne va pas bien pour tout le monde, mais comme je disais, c'est surtout les petits. Mais en France, il y a beaucoup de gens qui viennent vivre en France. Parce qu'il y a plein de choses qui sont agréables. Je ne parle pas que de la sécurité sociale ou des choses comme ça, mais simplement pour le bien vivre et tout ça. Et il y a beaucoup de gens, ils vont peut-être payer des impôts, mais des étrangers, mais ils vont quand même choisir de s'installer en France. Et il y a des sociétés, après c'est clair, dans ce cas-là, il y a toujours moins cher. On va en Chine, même en arrêtant les charges en France, on sera encore plus cher qu'en Chine. Attends, si tu me permets de préciser, il y a très très peu de gros patrimoines qui s'installent en France. Il y en a très très peu. Effectivement, des entreprises qui viennent s'installer en France, il pourrait y en avoir beaucoup plus dans un contexte plus favorable. Il y a quand même des entreprises parce que la France est un pays qui est tellement attractif pour plein de raisons, c'est-à-dire sa qualité de vie, mais qui diminue avec les tensions qu'on a actuellement. Mais enfin, sa qualité de vie, la formation, le sérieux. C'est un état de droit, etc. Enfin, peu de corruption, même si c'est un pays où il y a quand même de la corruption. Bref, c'est un pays qui, globalement, pour des investisseurs qui veulent étendre leur zone de commerce, etc., qui reste intéressant. Mais justement, on aurait énormément plus d'investissements si le pays était plus attractif en termes de, les choses qui ont déjà été dites, etc. Il y a des charges sur les salaires, il y a l'imposition sur les patrimoines, il y a l'impôt sur les sociétés, c'est pas le plus gros problème, mais c'est bien de l'harmoniser sur les autres impôts sur les sociétés européens, etc. Il faut qu'on soit concurrentiel par rapport aux pays qui nous sont voisins et par rapport aux pays qui sont en concurrence avec nous. Ce qui ne veut pas dire un moins-dire social. Plus on sera compétitif, plus on saura créer des richesses, etc., plus on sera en position de résister sur ce qu'on veut protéger, sur ce qu'on veut dépendre de ce qu'on appelle nos acquis sociaux, en tout cas des choses auxquelles on tient en termes de protection sociale. D'accord, mais enfin, tout ça, c'est des. Après, il y a des charges, puisqu'on garde du social, donc il faut trouver l'argent. Après, de dire, oui, mais si la France est un pays attractif, tout le monde vient monter sa société en France. Parce que c'est bien, et donc il y aura plus de gens qui vont payer des charges, donc même s'ils en payent moins chacun, au final ça fera plus. Ça c'est le discours de droite typique. Après pourquoi pas, mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, et pourtant je suis né, j'ai connu la droite en France. On voit l'exemple, il y a des pays qui ont quand même rendu leur fiscalité attirante pour les entreprises et les particuliers, et qui explosent. On prend le cas de l'Irlande par exemple. Oui, c'est vrai, l'Irlande, mais c'est rien de comparable. L'Irlande et la France, l'histoire, la culture, tout ça, il y a plein de temps actuels, c'est pas comparable. La qualité de vie, on compare souvent, on parle d'une qualité de vie par rapport au PIB, PNB, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Oui, et je vois, moi, on va dire, en Angleterre, c'est vrai, t'arrives, t'as du boulot au bout de deux jours, c'est super libéralisé, d'accord. Mm-hmm. Mais on se retrouve dans une ville, c'est tellement libéralisé qu'il y a des caméras partout. Parce qu'il y a beaucoup de violence. Donc pourquoi il y a de la violence ? Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de laissés pour compte. Donc c'est vrai que c'est une ville, pour tous ceux qui bossent à la City, c'est parfait. On gagne beaucoup, on dépense beaucoup. Mais il y en a plein qui sont à côté, mais qu'on ne parle même pas, parce qu'ils ont encore moins de droits qu'en France. Et la qualité de vie, elle n'est pas vraiment meilleure. Je ne sais plus, je lisais un article le jour dans le Courrier International sur le nombre d'adolescentes anglaises qui sont enceintes et tout ça à 16-17 ans. Il y a un problème quand même. Je veux dire, après, ils ont tous pas d'argent, l'économie va bien. Il faut voir comment ils vivent aussi. Mais justement, revenons à des atteintes à la vie privée que M. Sarko, faut croire, je ne sais pas, met en place ou autre. Donc, apparemment, dans 18 pays sont organisés sous l'égide de Privacy International depuis 10 ans, le Big Brother Awards a vocation à montrer du doigt les personnalités et les actions politiques qui mèneraient le plus les libertés privées, les droits fondamentaux et la stabilité démocratique. Voilà, donc il a été nommé 6 fois. Apparemment, entre autres, et en 2004, pour les fichiers génétiques initialement conçus pour les délinquants sexuels, et comme on en a parlé, ça a été étendu, et aussi que l'état d'exception devenait la règle, par rapport à la loi antiterroriste, et que les moyens de surveillance sont étendus, audio, vidéo, internet, regroupement de fichiers, même privés. voilà, entre autres, et un fichier Eloy qui recense les personnes qui aident les étrangers sans papier. Je sais pas, il va y avoir plus de contrôle en France, ça l'était déjà pas assez. Qu'est-ce que tu vois? Oh, nous, on vit à Barcelone, bien sûr. Hein. Après, ça serait bien qu'on, voilà, les gens qui bougent voient un peu la différence. Ben, il y aura plus de contrôle, j'en sais rien. Enfin, ce qui est certain, c'est que, de toute façon, les sans-papiers doivent être contrôlés. Et ils ne peuvent pas être tous régularisés. On a vu ce que ça a fait en Espagne. Quand ils ont été libéraux et gentils, ça a créé un appel d'air monstrueux. Qui ensuite, en plus, s'est étendu sur les autres pays, puisqu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés en Espagne. Qui sont partis. Ça, c'est ce qu'avait a dit justement Sarkozy à Zapatero, et que Zapatero lui a dit qu'il n'avait pas de leçon à recevoir d'un certain Sarkozy au sujet justement des émeutes de banlieue. Oui, ce qui n'empêche pas aujourd'hui Zapatero de dire que Sarkozy est quelqu'un. Enfin, je veux dire, globalement, il a une bonne opinion de Sarkozy. Simplement, évidemment quand Sarkozy lui dit t'as fait une connerie en faisant ça, il n'a pas l'envie de ramener. C'est diplomatique, tout le monde a souhaité ses vœux comme à la bonne année, et joyeux Noël et compagnie. Rien que par rapport aux immigrés, enfin c'est marrant quand même parce que l'immigration c'est quelque chose qui existe depuis que l'être humain est sur Terre. D'accord ? Il y a eu la Terre, on est arrivé, l'être humain a toujours bougé. D'ailleurs, si on est en Europe, c'est parce qu'il y en a, ils sont venus d'Afrique. Et en fait, plus on va, et plus on s'enferme. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait bouger, il n'y a pas si longtemps que ça. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait aller dans n'importe quel pays s'installer sans papier. Sauf dans l'Est, hein. Ça dépendait où quand même, dans l'Est de l'Europe, pour y rentrer. Déjà, il y a moins de gens qui voulaient y aller aussi. Voilà, c'est un peu différent. Écoute, justement, alors il y a des mots qui font peur. Oui, bien sûr. Poursuivons là-dessus. Juste 30 secondes, si tu permets, sur ce sujet. Effectivement, l'humanité, c'est des migrations, c'est des échanges, etc. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui aime voyager, qui aime faire des rencontres, rencontrer des gens. J'ai rien contre le fait qu'en France... on soit plein de gens d'origine africaine, maghrébine, asiatique, etc. Au contraire, moi, ça me branche grave. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut être un peu responsable. C'est-à-dire que on aura toujours, à partir du moment où on crée des systèmes sociaux qui sont avantageux et qui sont attractifs, et que les Français, en l'occurrence, pour parler de la France, veulent bénéficier de ce système et pas le remettre en cause. Si il y a une immigration qui n'est pas contrôlée, avec des gens qui arrivent, qui profitent ou qui se retrouvent à la rue, qu'il faut aider, etc., on se retrouve avec des situations qu'on a connues, avec des déficits, avec une remise en cause de ces systèmes, et on se retrouve surtout avec une grande partie de la population qui est tentée de voter pour les extrêmes. Donc il faut tenir compte de ça aussi. S'en est-il trop influencé justement de cela? On apprend des phrases choc quand même ces derniers jours. Il y a des choses qui circulent, entre autres, où des gens qui n'ont pas fait attention à certains termes employés par Monsieur Sarkozy, voilà, qui l'a suscité trois fois. Trois fois, ça a suscité des critiques. Nous n'avons pas à rougir de l'histoire de la France. La France n'a pas inventé la solution finale. Ce mot solution, est-ce qu'il est employé? Il est employé trois fois. Certaines postures. Bon, il se prend pour Bonaparte, apparemment, dans ses meetings. Il a voulu le gigantisme. Non, mais la France l'a employé dans les colonies, tout simplement. Hein. Pardon, la France, tu dis? L'a employé dans les colonies, hein, partout, que ce soit l'Angleterre, la France, toutes les grandes puissances. Justement, là, je suis en train de lire un livre là-dessus. Ce qu'a fait Hitler, c'est... Il y en a d'autres qui l'ont fait avant, hein, notamment les Belges, les Français... Et les Anglais, les plus importants. Ils ont fait ça dans les colonies, et c'est-à-dire qu'ils exterminaient, c'est soit ils pouvaient utiliser les gens comme main-d'œuvre, comme esclaves, ou soit ils les exterminaient. Et sauf qu'à l'époque, vu que les gens d'Afrique n'étaient pas considérés comme des êtres humains, ça choquait personne. Il y a 70 ans, mais c'est quelque chose, c'est un continu, et c'est comme ce que je voulais pour finir avec tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme c'est la phrase qui est souvent dite, mais il n'y a pas de solution. Je veux dire, les gens, ils partiront. Quand, dans un endroit, il y a des gens qui vivent, il n'y a pas d'eau. Simplement, ils bougent. L'être humain bouge. C'est une question de nécessité. C'est même plus que politique. Les gens bougeront, ils chercheront toujours à aller là où c'est mieux. Et même s'ils arriveront dans un appartement à Paris à 20 pour gagner pas grand-chose, c'est mieux que de se lever le matin en ayant peur de se faire tuer parce que c'est la guerre civile, avoir peur de dormir, ou de se dire de toute façon demain il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc c'est bien évident et personne ne le conteste. Au passage d'ailleurs, je dis que Sarkozy parle d'immigration contrôlée, mais il ne conteste pas le droit d'asile pour des cas de mise en danger politique ou de femmes. On est d'accord, ils auront le choix, ils auront le choix de qui aura le droit. Il est bien évident que ces gens-là ont et je ferai la même chose à leur place. Tentent de passer les frontières et de venir en France. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse la situation ? Parce que la plupart ne sont pas heureux en plus en France. Je veux dire, c'est une galère pour eux, ce par quoi ils doivent passer. Donc, est-ce qu'on essaie de prendre sérieusement à bras le corps les problèmes de développement de l'Afrique, mais aussi, enfin, pour parler de l'Afrique seulement. Mais là, mon point de vue, c'est qu'il y a aussi une responsabilisation à avoir de la part de l'Afrique elle-même et des dirigeants africains. Hein, parce qu'on ne peut pas passer son temps à accuser les entreprises colonialistes. Ils ont quand même été formés à bonne école, les conséquences de l'esclavage, les dirigeants africains, etc. Ils ont été formés à bonne école, mais à un moment donné, ce sont des Africains issus du sol africain qui sont supposés défendre leur pays. Si les Africains ont des dirigeants qui sont corrompus, mais ils choisissent pas leurs dirigeants. Hein. Non, mais je sais, ils choisissent pas leurs dirigeants. Mais enfin, aujourd'hui, quand même, on a une démocratie. Ça a été choisi. Certains dirigeants que le peuple en lui-même. Même, c'est un peu exagéré. Enfin, dans tous les pays, j'exagère un peu, c'est vrai, mais enfin, dans certains, c'est ça quand même. Voilà, on a Cédric qui est là parmi nous, pas mal de monde qui peuvent intervenir. On revient sur les phrases choc. Apparemment, le slogan principal de la campagne de Sarkozy, le travail c'est la liberté, et en allemand, apparemment, ça a déjà suscité des polémiques. Comme quoi, c'était le slogan d'Hitler, voilà. Portail d'un camp de concentration d'Auschwitz. Je sais pas où ça, c'est l'information de la désinformation. Mais il paraît qu'il manque un mot là-dedans. Si on fait un recueil sur le nombre, il y a pas mal de choses. Sur le nombre de trucs comme ça pour diaboliser Sarkozy, mais c'est une encyclopédie qu'on peut monter. Franchement, c'est parce que à ce moment-là, on peut aller chercher dans les discours de Ségolène Royal, de machin, de Jules Ferry, de Léon, de Blum, etc. On peut aller chercher. Moi, je t'en sors des phrases à scandaliser tout le monde. Hein. Y a pas de problème. Bien sûr, mais apparemment, on a vu que la vidéo sur le vrai Sarkozy qui a circulé sur le net ne marchait plus il y a quelques jours. Mm-hmm. On ne pouvait pas y aller. Et voilà, il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas qu'en Chine que Google fait de la censure. On ne sait pas. Il y a des, enfin, je sais pas, des choses quand même déjà des choses un petit peu pas claires. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'héritage de mai 68? Finissons-en avec ça. Ah, moi j'ai beaucoup aimé cette partie du discours. Alors qu'est-ce que ça, pour toi, ça veut dire quoi exactement? Parce que il y en a qui disent c'est les anarcho-révolutionnaires, les toffeurs, tout le monde qui est sorti dans la rue hier, braillé, les babacous, les compagnies. On reviendra sur ça, sur les événements tout de suite à Paris et en France. Je parle pas mal de ça dans mon livre, justement, sur une partie des conséquences de mai 68 sur plein de choses. Sur l'éducation, sur un certain relativisme de la morale. Parce que la morale, c'est un mot qui est considéré aujourd'hui comme un mot extrêmement désuet et puis un mot de vieille droite, de fascisme. Est-ce que Sarkozy utilise ? Oui, et puis... Et puis bon, mais c'est comme le respect. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de respect dans les banlieues. T'as plein de mecs qui te disent respect, mais c'est les premiers qui ensuite... Non, mais on le sait, ils ont même des t-shirts marqués Kaira. C'est même eux qui les portent. Ou entre les cités, ils se font la guerre et tout. Bon, ça, bien sûr. Mais voilà, c'est chaud quand même. Mais 68, c'est quand même aussi le... C'est aussi les gens, c'est là où les gens commencent à penser par eux-mêmes. C'est un peu l'individualisme. Donc, quand j'entends « faut tirer un trait là-dessus », c'est quoi L'informé 68, c'est l'individualisme, comme tu dis, mais c'est l'individualisme dans le sens opposé à celui qu'il y a dans le libéralisme humaniste. C'est-à-dire, dans le libéralisme, c'est la liberté de l'individu, mais dans la limite du respect d'autrui et du droit d'autrui. Alors que l'individualisme qui a été prêché par mai 68, ben, on a vu ce que ça a donné, on le voit encore, c'est-à-dire que... On voit ce que ça a donné, ça donne des générations qui... je croyais que tu étais en train de nous montrer en battant des bras comme ça. Non. ça donne des générations de sexagénaires aujourd'hui qui creusent les caisses de retraite au détriment de leurs enfants qui arrivent derrière, alors qu'ils n'avaient que le mot solidarité à la bouche. Ça donne des gens qui conservent tous les postes haut placés et qui ne laissent pas passer les générations plus jeunes derrière eux. Ça donne tout un tas d'attitudes qui n'ont absolument rien à voir avec les slogans que ces messieurs brandissaient dans la rue avec des pavés à l'époque. les mêmes, les Julie, les tous ces gens-là, quoi. Enfin, juste en parlant des vieux qui laissent pas leur place à leurs jeunes, quand on voit la politique, dans le parti de droite, c'est encore plus flagrant. Des jeunes, il n'y en a pas des masses. Sarkozy arrive au lendemain du premier tour, voilà, je suis le changement et tout ça, qui ramène Raffarin. Non, Raffarin, non. Enfin, en tout cas, ils sont allés en Corse, hein, tous en jet privé, peinard. Ils sont allés, je crois. Non, ils sont allés en Corse. Ils sont allés en Corse. Ouais. Ah, aujourd'hui, aux nouvelles. Juste avant les élections, et ils sont disant qu'il aurait dit vous êtes mon gouvernement aux gens qui étaient là. Et certains n'étaient pas là déjà, apparemment il y a certains qui s'affolent pour les places. Bien sûr, on s'en doute, hein, tout le monde s'annonce président, présidentiel, ministrable, bien sûr. Tourin, t'as un pronostic sur son ministère, un peu ? Sur tous les postes, absolument pas, non, mais je pense, tout le monde pense que Fillon sera Premier ministre, je sais pas, peut-être qu'il y aura une surprise, que ce sera pas lui. Certains disent Borloo aussi. Borloo aura de toute façon au moins un poste de ministre d'État, et ou alors il fait le choix de mettre Borloo directement Premier ministre, parce que de toute façon il sait qu'il va l'avoir dur, il sait qu'il va y avoir la rue, il va y avoir tous ces soi-disant démocrates qui n'ont pas arrêté de lui casser sur le dos, qui vont faire de l'antidémocratie en résistant dans la rue, alors que c'est les vrai. Urnes c'est vrai, faut aussi attendre. Etc. Donc soit il va choisir Borloo pour énerver un peu moins son monde, ou alors ce sera Fillon, et Fillon va essayer de le casser comme on a cassé Juppé. Ça va être la même chose. Mais il y aura des postes pour des gens comme Rachida Dati, que j'apprécie beaucoup, par exemple. Bah écoute, Rachida Dati, moi j'ai un scoop, hein, elle a dit une chose pas claire, une caméra qui n'était pas cachée. Ouais. Elle a dit, ça craint, surtout faut pas qu'il y ait ça, ça circule depuis 2 jours. Et ouais, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, en rigolant, une blague, on lui demandait si elle serait ministre, on lui a dit, sur son futur ministère, celui de la rénovation urbaine à coups de Karcher. Elle l'a dit elle aussi. Ben, le sens de l'humour, c'est bien. Bah voilà, bah, bien. Quel sens de l'humour avoir, non, avoir. Mais bon, ça fallait le dire. Parce également. Le Karcher, c'est comme les racailles, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Est-ce que c'est des mots actuels ou des mots qui dérangent ? Non, mais on connaît. Je veux dire, si on lit l'information telle que la vraie information, on sait très bien dans quel contexte ont été employés ces mots. À propos de qui ont été employés ces mots. Bah écoute, là, il rigole bien, hein, sur la photo. Ça concerne pas la vidéo. Tous les jeunes des banlieues, très loin de là. Et voilà, quoi, c'est tout. Et il y a en banlieue des gars qui méritent largement l'appellation de racailles. Et quand on me dit je vais nettoyer au Karcher tous les trafics de cannabis qui alimentent le terrorisme, les caches d'armes, etc., qu'on nettoie ça au Karcher, moi personnellement ça me dérange pas du tout. Ouais, mais son passé près de Pasqua, tout ça justement par rapport à des époques. Pasqua, c'est Pasqua, et ce qu'a dit Sarkozy dans le contexte où il a dit, c'est autre chose. D'accord. Enfin, en tout cas, en le voyant faire son discours, tout ça, ils ont l'air bien fatigués, nos politiciens. Hein. Je veux dire, il est temps de prendre du repos. Monsieur Sarkozy part. Alors, quelle référence peut-on voir dans ça ? Il va aller se retirer dans un monastère. Oui. Voilà. Et c'est à l'île pour parler avec Dieu, contempler un peu son prochain projet avec son bâton de pèlerin. Sa croyance, ça le regarde. Mais aussi, je veux dire, il y en a qui montent sur la roche de Solutré. Ben lui, il va dans un monastère sur l'île de Malte. Bon, pourquoi pas ? Chacun son truc. Ouais. C'est bien. Chacun son truc. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il devrait s'excuser d'être de tradition chrétienne et d'aller se recueillir dans un monastère ? Il y va peut-être. Non, mais est-ce qu'il va le faire ? Parce que c'est peut-être des. Si, je crois, c'est ce qu'on disait aujourd'hui aux informations, qu'il était parti pour l'île de Malte. On va avoir une photo, hein. Ça c'est sûr, ouais. Il y en aura une. Il y a eu celle sur la tombe du général de Gaulle aussi, qui est arrivée juste avant le premier tour. Tout ça, effectivement. Beaucoup sont surpris, il y a beaucoup de déçus. On va s'écouter une petite chanson qui va nous faire, qui va nous donner l'ambiance, hein, justement, qu'il y avait à Paname. Hein. Ça fera plaisir à certains. Bon petit NTM de Tous les Fagots, on a enlevé la poussière. Ça fait plaisir. Allez, puis on enchaînera sur un autre. Mais qu'est-ce qu'on attend pour eux, ça fait mes guerres. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. C'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression, stoppe et naît la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas les cas d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Je ne fais que vivre baïonné, en effet, comme le fait la société. C'est un fait, mais il est temps que cela cesse. Face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même un vengeresse brûle l'État. Policier en premier, et on voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper. Quoi? Tes miroirs, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi. Désarroi déjà roi. Le monde rira en élection. Désarroi déjà roi. Vous subirez la même pente. Agonisante, c'est pourquoi j'en attends trop. Putain de politiques incompétentes, ce qui a diminué la France. Donc là n'est plus à l'indulgence, mais ça vous fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux, faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux. Il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même, la coupe est pleine. L'histoire l'enseigne, nos chansons vaines. Alors, arrêtons-nous. Plutôt que cela traîne ou ne traîne. Même encore plus haine. Une et bien ne pourra s'élever ce système. Ah, il nous fait le bruit des sirènes quand même. On n'est pas à Paris, hein, on est à Barcelone. Los Gabachos Banda. Et puis bah, on espère qu'il y en a certains qui nous écoutent sur le net, hein, contrabanda.org. Voilà, en direct. Et puis rediff pour ceux qui nous ont pas écoutés, hein, à vous de savoir, à vous de... Ouais, ça a été une émission difficile quand même, je t'avoue, Pascal. La mailing list, tout ça, l'internet qui déconne, trouver les infos, fouiner de près. Parce que, effectivement, là, on a le dossier manif, qu'est-ce qui s'est passé réellement en France, quoi. Donc, effectivement, ça a pété hier partout. Hier soir, tu veux dire? Bien sûr, hier soir, sans doute actuellement, puisqu'il y avait encore une manifestation. La fac de Tolbia qui lançait un appel pour 19h à la Bastille, encore et un peu partout. Voilà, donc ça a pété à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Caen, Rennes, Nantes, Grenoble, Rouen, Toulouse, Dijon, Nancy, Mulhouse, Metz, Marseille, Alençon, Angers, Montpellier, Brest. Et puis, bon, bah, ça c'est que les endroits où il y avait un petit peu de monde, hein, mais bon, bien sûr, il y avait d'autres rassemblements. Voilà, donc ça a pété à Bastille. Il y en a qui ont halluciné parce que il y avait apparemment des personnes âgées, des adultes, tout ça, jusque dans les wagons de métro, entre autres. Et puis il y avait vraiment du monde. Hein. Donc ça commençait apparemment avec 800 personnes qui empruntaient la rue de Lyon, voilà, vers Bastille et compagnie. Alors c'est quoi la version? C'est qu'il y a des méchants CRS qui ont sauté sur des gentils citoyens qui passaient dans la rue, c'est ça? Apparemment, il y avait un arsenal policier bien mis en place partout. Effectivement, tout le monde s'y attendait, hein, ça c'est vrai. Que ça chauffe, justement, par rapport aux émeutes de banlieue. Mais là ce qu'il faut voir, c'est pas vraiment les banlieues qui sont allées dans la rue. Hein. Bien sûr, aux banlieues, ça a pété. Non, parce que je dirais qu'en banlieue... ils réagissent sur des faits concrets, comme bon, il y a une bavure, il s'est passé quelque chose qu'on n'admet pas, ça part comme ça spontanément. Là en l'occurrence, hier ce qui s'est passé dans les villes en France, c'est que la plupart des jeunes qui ont commencé à s'énerver, la plupart ce sont pas des gars des banlieues. Hein. Bon, il y avait quelques gars des banlieues qui sont descendus quand même. Il y a toujours casser, quelques casseurs, des gens bien organisés, ouais, des groupes autonomes qui ont prévu le coup. Surtout des groupuscules d'extrême gauche ou alors des jeunes qui. Quand on est jeune, on a tendance à être à gauche. Bon, c'est normal. On est pour la générosité. Ou c'est une philosophie gauche ou pas gauche, un idéal du moins. Voilà, gauche-droite, tout le monde est perdu hein, dans ses étiquettes, ses connotations, et tout quand ça. On est jeune, libéral ou pas. Souvent, on n'a pas le recul qu'on a l'analyse qu'on a quand on est un petit peu plus vieux. Et on prend un peu tout comme argent comptant, et en particulier des choses comme la diabolisation de Sarkozy, c'est-à-dire en faire un diable, en faire le père fouettard. Bon, c'est facile, c'est plus facile auprès d'un public comme ça. C'est peut-être des gens informés qui ont les yeux grands ouverts et qui se rendent compte peut-être aussi d'une réalité place dans la rue. On peut en débattre toute la nuit, mais en tout cas, la plupart de ceux qui ont démarré ça, c'était soit des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, effectivement, des groupuscules d'extrême gauche ou des syndicats étudiants, etc. Soit, ou des actes spontanés, des gens qui sont allés d'eux-mêmes. Voilà, mais soit des plus jeunes pour qui c'était une expérience, une aventure. On aime bien en France se donner l'impression qu'on est rebelle, révolutionnaire, jeter des trucs sur les CRS, on se donne un peu de... Voilà, on peut dire ensuite, ouais, j'étais là. Bon, ça, on se met en valeur. Il y a quand même des gens de vénère, hein, bien énervés. Hein. Il n'y a pas une grosse différence. Il y en a qui sont vraiment énervés. 47%, 53%. Mmh. Peut-être 53% de gens super contents. Pourquoi pas, hein, bien sûr, hein, espérons-le. Et puis 47% de gens bien, bien énervés. Enfin, sur place, on verra. Hein, je veux dire, à Barcelone, certains s'attendent à une venue massive de Français ou de la culture qui s'exile ou autre. Je rappelle que quand Mitterrand a été élu, c'était un gros choc aussi en France. Et qu'il ne s'est pas passé ce qui s'est passé hier soir dans les rues. Voilà. Mais justement, c'est peut-être une première. C'est surprenant. Ça doit vouloir dire que Sarkozy est plus dangereux que Mitterrand, effectivement. Bah ça on le sait pas effectivement. C'est bien ce que tout le monde dit, qu'il est dangereux. On est d'accord. Donc voilà. Alors revenons aux événements. À Dijon, hein, bien connu effectivement pour ses squats et tout ça, place de la Libération, ça a chauffé. À Rennes apparemment tout a pété. Hein, 2000 manifestants. Pendant des heures et des heures. Hein, 2000. Enfin après les chiffres on s'en fout puisque c'est jamais les mêmes, la police et puis les gens sur place. Comme d'hab, et puis bon, pour nous, quelque part, on n'en a rien foutu des chiffres également. Il y a eu du sarco-facho de balancer à Brest, voilà, il y a eu des permanences UMP détruites partout en France, taguées. Ouais, bel exemple de démocratie. Ouais. Bah, bon exemple, c'est triste effectivement. Mais c'est donné à Sarkozy ce qu'il veut, hein, à la fin. C'est une réalité. C'est ridicule. État de siège. Et voilà, apparemment, à Caen, il y a eu nettoyage complet de la ville pour que rien n'y paraisse ce matin, des camions de nettoyage. Peu de traces d'affrontements dans les villes, tout est bien calculé pour pas montrer aussi de dégâts. On a aussi observé à Lyon qu'il y a un certain nombre de gens qui sont partis directement de là où étaient les locaux du Parti Socialiste et qui se sont joints à d'autres personnes pour aller balancer des choses sur l'endroit où se passait la célébration UMP. Mais il y a des gens qui ont pété des plombs, ça c'est sûr, hein, c'est regrettable, parce qu'effectivement il y a des gens de gauche également aussi, avec leur t-shirt rose, qui ont dû se mêler C'est difficilement compréhensible quand ces gens-là ensuite viennent vous donner des leçons de démocratie. C'est difficile de comprendre un peu la cohérence de leur message. Non mais après, en fait, il y a des moments, peut-être, on peut se dire, les gens, ils disent que bah là, y a un problème, la démocratie. Il y a 5 ans, on a eu Le Pen au deuxième tour. En 33, si des gens avaient été un peu plus dans la rue, peut-être que ça aurait changé le cours de l'histoire, même si Hitler a été élu sur la démocratie. Hein. Donc la démocratie, c'est, en général, ça marche plus ou moins, mais il y a des fois, il y a des cas extrêmes. Et il y a peut-être que dans la tête des gens, bah là, c'est un cas extrême. Oui, puisque on a même pu voir la première manifestation du second tour du FN, hein, par rapport à ça, que leur slogan, c'était « Français, réveille-toi, t'es ici chez toi ». Des vidéos, tout ça. Ouais, enfin, on connaît la propagande du FN et les messages du FN. Faut pas tout mélanger. Non, mélangeons pas tout, mais c'est vrai que l'électorat de Nicolas Sarkozy a été, enfin, l'ont élu sur des thèmes bien tendus aussi également. Oui, mais je veux dire, il a pas fait de concession au Front National. Son discours, c'est le même depuis longtemps. Et j'estime qu'on peut le remercier, tout ce que nous sommes démocrates, d'avoir fait baisser l'électorat du Front National à 10%. Si on avait eu un Front National qui faisait un gros score... C'est ce qu'avait dit Bernard Tapie, apparemment, il y a 17 ans, et il y en a qui disent qu'il s'était trompé de parti. C'est con, parce qu'il a retourné sa veste, on a pu le voir à la télé. Bernard Tapie à la télé, ça paraissait incroyable. Dans l'ambiance Starac aussi, qu'on a pu voir avant... Comme on disait, surtout sur France 2, retransmettre le concert. C'est que, imaginons... T'as pas eu l'impression qu'il y avait des choses un peu surréalistes hier soir, quand même? Alors, lesquelles? Beaucoup de détails associés. Alors, justement, oui. Bah, le côté chaud, concert, on se déplace en voiture... le grand chef d'État avec sa garde rapprochée. Chirac avait fait pareil. Discothèque, machin truc. Garde rapprochée, c'est obligé. Oui, bien sûr. La bataille des scooters pour prendre une image, c'est on l'a toujours vu. Des médias, on le connaît. On a déjà parlé du Fouquet. Il est arrivé au Fouquet avec des slogans hostiles, apparemment. D'après ce que, on a pu voir circuler. Également. Des slogans hostiles de qui? De gens qui étaient dans la rue? De gens qui étaient là, ouais. Enfin, ouais, je veux dire, il n'a pas été accueilli à bras ouverts partout. Oui. Bon, eh ben... Dommage pour lui. Oui, enfin bon, c'est ça. Tant pis pour eux, c'est vrai que les gens pètent les plombs, et effectivement, dans ces cas-là, et bon. Des émeutes, on ne va pas les comparer avec la folie des gens qui pètent au foot ici à Barcelone, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir ici, également pas du tout de la même manière, quand même, c'est vrai. Donc, au sujet de M. Sarko, effectivement, sur un programme un peu tendu, comme on a dit, il y en a certains qui ont dit qu'il avait des propos eugénistes sur le gène de la pédophilie ou du suicide. Alors, par rapport à ça, ça paraît compliqué ou, je veux dire, il y a une vision personnelle. C'est des bêtises, quoi. Faut pas écouter ça, quoi. C'est incroyable, quoi, sortir un truc pareil. Mais... Bah, et ça a été dit, c'était redit. De quelle manière, effectivement, il a repris le slogan de Le Pen, « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ?» Oui, enfin, bon, Le Pen, attends, c'est pas parce que Le Pen a dit quelque chose que c'est forcément un truc fasciste, hein. Moi, un gars qui vient en France sans papier, qui viole une fille ou qui fait du trafic de cocaïne ou qui, etc., et qui en plus crache sur la France, je lui dis « La France, tu la quittes, mon gars », c'est tout. D'accord, reprendre exactement les mêmes termes, les mêmes mots, vaut mieux choisir. Je veux dire, ils ont une campagne des gens autour pour les conseiller. Voilà, apparemment il a fait préfacer son livre témoignage par le chef d'un parti mussolinien et néo-fasciste italien, Gianfranco Fini, chef de l'Alliance nationale, apparemment. Et puis il dans son équipe de campagne les anciens membres fondateurs du groupe d'extrême droite terroriste Occident avec Patrick Devedjian, notamment son conseiller. Voilà, nous on aimerait bien qu'on nous informe là-dessus pour savoir si vraiment on dit des conneries ou il y a de la propagande, je sais pas, de la contre-information. J'en sais rien, tu sais, voilà, c'est justement la force de ce genre d'information, c'est que, je veux dire, personne n'a un dossier sur tout, etc. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de te contester formellement ce soir que Devedjian n'a pas appartenu dans sa jeunesse à un groupuscule qui était peut-être proche de l'extrême droite. Bon, combien il y a eu dans le Parti Socialiste actuel de gens qui étaient strotkistes, maoïstes, je rappelle le nombre de millions de morts, et ainsi de suite. Bon. On a le droit, je veux dire, les discours de Devedjian aujourd'hui me paraissent être des discours tout à fait modérés et démocratiques. Donc, bon, si dans sa jeunesse, j'en sais rien, mais enfin, les informations que tu as semblent alléguer que... Voilà. Une petite chose, la phrase « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Déjà, après, faut voir pour qui. Quand on dit ça, ça veut dire tout le monde. Moi, je suis français. Bon, je l'ai quitté, mais je garde quand même mon passeport. Je ne peux pas le changer comme je veux. Ensuite, dans ceux qui ne sont pas français, il y en a beaucoup. Leurs parents ont été ramenés en France de force. D'accord ? On leur a pas demandé. Maintenant, ils peuvent quand même critiquer la France. Et tu as pris l'exemple vraiment extrême. Il est sans papier, il viole ta fille, il prend ton argent. Oui, d'accord. C'est un peu l'extrême, mais on peut critiquer la France sur plein d'autres choses. Ensuite, maintenant, en parlant de la France, tu l'aimes ou tu la quittes, il y a des Français qui sont sur des îles actuellement qui sont encore françaises. Oui. Tu vois, les gens là-bas, ils aimeraient bien que les Français s'en aillent. Oui. Et ben, dans ce cas-là, ça marche dans tous les sens. Mais tu peux pas dire ça et en même temps, tu vas te faire de l'argent sur des îles. Non, enfin, de toute façon, je sais pas de quelles îles tu parles, mais enfin, si tu parles des Antilles ou de la Réunion, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, parce qu'Antilles, les locaux, ils sont morts. Oui, oui. La Réunion, il n'y en avait pas. Mais voilà, simplement, la Nouvelle-Calédonie, la France, elle est bien présente là-bas. Moi, perso, tu l'aimes ou tu la quittes. Non, mais bon, on a le droit de critiquer. Bien entendu. Il s'agit pas, cette phrase ne s'adresse pas aux gens qui critiquent, aux gens, elle s'adresse à des gens qui passent leur temps à cracher sur la France, les Français, l'histoire de France, etc. Et ça participe d'une espèce de tyrannie de la repentance, comme l'a écrit Pascal Bruckner dans un livre qu'il a consacré à la question, et qui est un très bon ouvrage, sur laquelle il faut un peu arrêter, quoi. Je veux dire, bien entendu qu'il y a dans l'histoire de France des choses vraiment pas jolies. La loi qui est passée sur les colonies, d'ailleurs, hein. Comme quoi les colonies, on a apporté un peu la civilisation. Je suis désolé, moi, ça me choque énormément. Oui, enfin, sur l'histoire. Ça fait peur, on va où là ? Et la relation Sarkozy dans les discours d'entrée de jeu, la Turquie, on n'en veut pas. Les gens s'attendaient à ça. Au sein de l'Europe. Tu poses la question ? Non, apparemment, il aurait. Enfin, le président de la communauté européenne lui a déjà dit, la Turquie, comme quoi, se doit de rester dans l'Europe, Sarkozy s'y opposerait. C'est des choses qui circulent aussi dans la presse aujourd'hui. J'en sais rien. Sur la Turquie, il a toujours été clair, c'est son point de vue. Au moins, bon, je veux dire, il a le mérite, contrairement à beaucoup d'autres, de dire à l'avance aux Turcs, c'est-à-dire de ne pas les faire espérer et poireauter pendant 10 ans pour leur dire ensuite « Désolé les gars, c'est pas possible ». Il a le mérite de leur dire les choses clairement, tout en leur proposant une solution à côté, qui est une solution qui est tout à fait honorable et qui peut être, d'un point de vue aussi bien économique que social, que culturel, qui peut avoir quasiment les mêmes avantages. Bon, c'est sa position sur la Turquie. Bon, on peut débattre sur la Turquie. La Turquie, ils font des efforts énormes, apparemment, actuels. Bon, ils font des efforts énormes, en même temps, sur les droits de l'homme. Ouais, sur les droits de l'homme, il y a du retard, effectivement. Il y a du boulot encore. Il y a encore du boulot, espérons que ça avance, bien sûr. Et puis aussi, Sarkozy proche, ses potes, c'est Blair, Bush. Certains disent Berlusconi. Non, c'est pas un pote de Bush, non. Non, c'est pas un pote de Bush. Il en a parlé d'entrée de jeu avec un grand sourire. Les Américains, on va vous soutenir, ceci, cela. Premier discours. Hein. Il a pas dit exactement ça. Non, mais enfin. Il a rappelé un certain enthousiasme que la France tendait la main aux États-Unis. Eh ben, il y a eu un certain malaise, comme tu le sais, entre la France et les États-Unis, suite à notre position sur l'Irak, que personne ne remet en question. Et dont tous les Français, Sarkozy compris, ont des raisons d'être fiers, d'avoir mis en garde les États-Unis sur cette question. Le problème, c'est que ça a débouché sur une crise diplomatique et sur une crise, on va dire, un peu stupide entre les deux peuples, les histoires de frites qu'on rebaptise d'un côté, l'anti-américanisme français qui est déjà fort et qui est devenu encore bon. Et ça, c'est excessif par rapport à... L'anti-américanisme. Enfin, oui. De toute manière, il est trop tard. Il y a un anti-américanisme en France assez fort. Pas chez tout le monde, bien entendu, mais chez une population assez large. Non, mais dans les faits, les gens passent leur temps, pareil, à regarder la télé comme les Américains, ne sortent plus le soir et vont faire leurs courses dans la grande distribution dans les zones. Il y a beaucoup de schizophrénie. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens, ils passent leur temps à vivre et à dépendre des produits américains, et en même temps, ils hient les États-Unis. De la même manière qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'arrêtent pas de vivre avec la France, avec les produits français, de rêver d'aller en France, et puis qui crachent sur la France. Et tu veux dire aussi qu'il y en a certains qui bouffent des OGM, ils sans le savoir, et puis ils sont contre ça aussi. Oui, mais moi aussi, je suis contre le fait de manger des OGM sans le savoir, oui. Oui. Ah ouais, mais enfin bon. Il y a des choses à dire. Alors, on va revenir sur un autre thème. On va s'écouter une petite chanson. On reviendra sur le vote des Français à l'étranger. Hein ? Vite fait, on n'a pas esthète. Toujours là avec Los Gabachos Banda, bah de Barcelone, hein, on parle français encore ce soir, bien sûr c'est même plus simple hein, pour parler de choses, on espère du moins aussi précisément, entre autres, et puis bon, allez, il nous reste, allez, on va dire une petite heure, on aura tout à l'heure une troupe de théâtre qui s'est produite ces derniers jours, qui s'appelle Le Jeu, une troupe de théâtre amateur à Barcelone, et voilà, 10 personnes, on va parler de ça, allez. On s'écoutera 2-3 petits morceaux. On reste encore à refaire le monde, à refaire les élections, mon cher Pascal. Il y a des choses à dire, tout ça, bien sûr. Hein. Entre autres, donc, on va revenir sur les élections à l'étranger, parce qu'il y a déjà un chiffre qui est tombé. Voilà. Sarkozy a avec 53,99 chez les Français à l'étranger, hein, d'après le ministère de l'Intérieur. Donc tout ça c'est institutionnel, hein. Comme je disais hier soir, on pouvait suivre l'émission à l'Institut français, ma foi, dans une ambiance ou pas, pour certains. Et voilà, donc alors à Barcelone, ça serait intéressant de le savoir, on le saura peut-être dans un futur. C'est surprenant pour toi, Pascal, ce chiffre, ou non, tu t'y attendais Non, de manière globale, non, parce qu'on sait que les plus grosses communautés à l'étranger, il y a les États-Unis, je ne sais plus quelles sont les... Il y a l'Angleterre, l'Espagne est avant l'Allemagne, je crois, je ne me souviens plus, en tout cas, ces pays sont parmi les plus gros pays. Et la plupart de ces populations de Français de l'étranger, ce sont souvent des gens qui travaillent dans des entreprises ou qui eux-mêmes ont des entreprises et qui, au niveau économique, on va dire, sont sensibilisés d'une manière qui les porte à supporter davantage les propositions de Sarkozy que celles d'un parti socialiste qui n'a pas su se moderniser depuis 25 ans, quoi. Bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment le Parti Socialiste qu'il faut regarder, l'échec, parce que là, ils sont en train de tout remettre, hein, on refait les élections, eux aussi, et ça y est, il y a déjà des coups de poignard par derrière, c'est la faute de lui ou de elle, de ceci, cela. Ah, on nous appelle... Je vais te... Ah. Bien sûr. Alors, je vais pourquoi toi tu vois que le Parti socialiste s'est cassé la gueule ? Tes explications ? Pour, à mon sens, pour deux raisons essentielles. Il y a le fait que Sarkozy a été plus convaincant dans cette campagne et que beaucoup de gens ont trouvé ses discours, etc., convaincants. Bon, que par ailleurs ils ont aimé sa manière de parler vrai, concret, précis, etc. Mais l'autre raison qui aujourd'hui, enfin non, je pense que là on arrive sur un terrain qui est intéressant dans le débat de ce soir, c'est que on a un gros problème avec la gauche française, c'est que elle n'a pas fait son aggiornamiento comme la plupart des gauches européennes. Elle a employé un mot espagnol. J'ai employé aggiornamiento, je sais pas si c'est espagnol ou ah, je ne sais pas. Ou italien. Je crois que c'est plutôt italien. D'accord, c'est italien. On a un italien parmi nous, donc c'est italien. Saluons la pulperia qui nous donne un coup de main ce soir, on a un crochet avec eux chaque jeudi, c'est à quelle heure déjà? C'est à 13h, 15h. Ouais, de 1h30 à 3h. Voilà. Et donc aussi un contrabanda, il lâche pas l'affaire, il y a des choses à dire ici à Barça ou autre, la Pulperia. Voilà mon cher. Donc on disait quoi? Donc oui, on disait que la gauche française, qui est une gauche qui a été modernisée. Non, elle est restée marxiste, elle est restée idéologique et elle est restée elle est très démagogique. Je pense que ces élections hier, ça a été un grand jour pour la gauche française. Parce qu'il y a eu un peu la prise de conscience, de parole, on va dire, de Kouchner et de Strauss-Kahn, qui tous les deux ont clairement fait sentir et exprimé le fait que la gauche française devait enfin passer à un autre discours et se moderniser. Strauss-Kahn qui a dit apparemment, si elle passe présidente, je change de métier. Il y a eu des coups durs dans la gauche. Et là, c'est une demande de passer au centre, en fait, comme ce qui se passe dans beaucoup de pays. Pas. Parce qu'en Angleterre, ou même en Espagne, c'est pas vraiment des partis de gauche. C'est plus des partis centristes. Où on va prendre aux États-Unis, même si on ne peut pas vraiment comparer les démocrates, tout ça. C'est pas pour rien que Beyrouth, il a quand même fait 18 et quelques pourcents. T'as pas mal de gens au PS qui veulent se rapprocher du centre. Mais en fait, simplement, la gauche en France, elle n'a jamais été majoritaire. Jamais, jamais, jamais. Simplement parce que, dans l'ensemble, la France est un pays de vieux. Et comme tu disais tout à l'heure, les jeunes votent à gauche, les vieux à droite. Il va y avoir, les statistiques sont énormes sur la population. La France est un pays de vieux. Donc, il y a une majorité de gens qui votent à droite. Et ça a toujours été comme ça. Quand la gauche a gagné, c'est parce que la droite était divisée. Simplement. Sinon, la majorité des gens en France sont de droite. Tout simplement. Donc, elle gagnera à moins d'être divisée ou qu'il y a des choses vraiment qu'il y en a, ils vont se désintéresser. Plus aller vers le centre. Et justement, ils vont aller vers le centre. Là, la gauche, dans ce cas-là, a peu, mais ce sera plus une gauche. Ce sera un parti plus ou moins centriste. Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais en même temps, si c'est comme ça, alors pourquoi la gauche a autant gagné aux législatives qu'il y a eu, ça peut être une victoire de la gauche, pas seulement celle de Mitterrand au présidentiel. Il y a eu beaucoup de victoires de la gauche. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Je pense que le problème, il n'est pas là. C'est qu'il y a un vrai débat à avoir sur des questions. Bon, sur des questions de société, bien sûr, mais sur des questions aussi économiques, et que ce débat, aujourd'hui, il n'a pas vraiment lieu, parce qu'il y a, un terrorisme intellectuel. Je parle beaucoup de ça dans mon livre, qui fait que les vraies questions ne peuvent pas être débattues entre quel doit être le poids de l'État, quel doit être le vrai rôle de l'État, le périmètre de l'État, quelles doivent être les valeurs de la société, quelles doivent être, les valeurs qui sont celles qui sont à même de mettre, de générer un consensus. Je ne parle pas des valeurs qui divisent, je ne parle pas des valeurs, des valeurs désuètes contre les valeurs modernes. Je parle des valeurs, qui est un mot, bon, qui est peut-être désuet, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, et qui sont à même de mettre une majorité de gens d'accord, jeunes, vieux, riches, pauvres, pour aller un petit peu, parfois, tous dans la même direction. Ah, mais de toute façon, il en faut, hein, sinon, on est mal barré. Ouais. Donc, effectivement, ces élections... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Sarkozy avec l'Europe. Il y en a qui pensent que la sécurité collective internationale, non plus sur l'ONU, mais sur l'alliance de quelques États. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Certains États vont prendre des positions globales par rapport à des idées et passeront plus sous l'ONU. Par rapport à Sarko, sa vision qu'il pourrait avoir avec ses potes, les engagements avec les pays... beaucoup de gens se posent des questions sur la campagne internationale qu'on nous a quand même assez cachée. Je veux dire, on n'a pas parlé de l'international. C'est une citation de Sarkozy, ce que tu... Non, bien sûr, certains peuvent penser ça. Que Sarkozy va tout se permettre sur sa route. Il pense déjà à l'Europe. Jusqu'à présent, ça fait déjà 5 ans que les gens diront « Ah bah ça fait déjà 5 ans qu'on a l'impression qu'il est déjà au pouvoir. » Et que bah, là, il concrétise tout. Il n'y a pas eu d'obstacle, vraiment, puisqu'on a parlé d'une gauche complètement dépassée. On avait l'impression d'entendre la messe dans les discours. Et même certains ont même eu l'impression que son dernier discours à Ségolène, c'était le mieux. Je veux dire, détendu, en parlant ouvertement, alors qu'à chaque fois, elle lisait son discours, on a l'impression de vivre le monde à l'envers. T'as vu son discours, Pascal ? Son dernier discours. Elle est partie même de la scène, on ne sait pas pourquoi, dire salut, oui, elle est revenue après. Elle nous a fait un petit freestyle. Elle était enfin détendue, elle n'avait plus le poids. T'es soulagé quelque part. Putain. Et ouais, bah c'est tout ça, c'est des réalités bien dans la gueule hein, depuis hier soir, entre autres, hein, parce que bon, on verra le futur. Et on a les chiffres de Barcelone qui sont arrivés, hein, tu sais. Ah, les chiffres de Barcelone. J'ai vu les chiffres, il me semble que Ségolène Royal est devant Sarkozy sur Barcelone. Ah, à Barcelone, d'accord. Ok, moi j'avais les chiffres globaux de tous les Français qui ont voté à l'étranger. Et apparemment, comme en France, ici à Barcelone, on a plus voté au second tour. Oui, c'est exact. De très peu, mais c'est ce qui a été ressenti. Voilà, qu'il y a eu des heures de queue, forcément, à attendre. Comme quoi, des proches avaient raison, hein, quand ils disaient... Les enfants, ils croient au Père Noël. Les adultes, ils y croient pas. Pourtant, ils vont voter. Oui. Alors, aussi, beaucoup sont surpris de savoir que Sarkozy est un noble. Enfin, il y en a qui ont dit ça. Oui, son père, est issu de... Il s'appelle pas Monsieur Sarkozy, hein, c'est Monsieur Sarkozy de Nagy Bosca. Alors ça, les gens ne le savaient pas. Ils ont voté pour un noble, un ex-noble d'une famille hongroise, hein, c'est ça. Une famille hongroise, oui. Et je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois que c'est une famille qui a souffert de, à l'époque du communisme. Ah ouais, je crois. Le communisme peut-être, ouais. Le communisme qui est bel et bien mort en France, hein, aussi. Ça, c'est une réalité du premier tour. C'est pas mon point de vue, non. Enfin bon, il a pris une grosse claque aux élections, effectivement. Bah, encore une plus grosse qu'il y a 5 ans. Les idées communistes sont en perte de vitesse, mais enfin, il était temps quand même. Le communiste, qui a presque même disparu d'Europe aussi. Non, mais c'est des choses dont on parlait. Autrement, alors de quoi on pourrait parler d'autre, effectivement, Sarko, un paquet d'infos hein, quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu sur des biographies, effectivement, les pressions, on va revenir là-dessus quand même, parce que le bouquin de Cécilia, il y a eu des soucis. On a eu. Alors, ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu des dissidents de la jeunesse populaire de l'UMP, voilà, qui ont quitté la structure et qui, voilà, parce qu'ils avaient publiquement des pressions, apparemment, exercées sur eux. Et ils ont monté un site internet, cybermilitant.org, voilà, pour communiquer librement sur ce qui se passait au sein de l'organisation. Et la direction de l'UMP a obtenu sa fermeture quelques mois plus tard. Je sais pas, ils avaient peur d'avoir des bâtons dans les roues. Ou voilà, qu'est-ce qu'on a appris d'autre encore? Une pigiste de l'AFP qui a eu des soucis. Voilà, on parlait de Paris Match. Et puis voilà, quelqu'un qui a sorti un bilan sur Sarkozy, Serge Portelli, un magistrat, vice-président du tribunal de Paris, qui s'appelait Rupture. Et voilà, lui aussi, il a eu des problèmes par rapport à l'édition de son bouquin, tout ça. On parlait de l'édition quand tu étais venu, puisque toi, ton bouquin, Pascal, on va le trouver peut-être maintenant plus dans la presse. Je sais pas, hein, puisque ton bouquin est axé sur le libéralisme et compagnie, entre autres, ou des thèmes qui ont rapport avec M. Sarkozy, tout simplement. Oui, enfin bon, il est disponible sur Barcelone, hein, dans plusieurs librairies. Je crois qu'on avait donné la liste là, dans la dernière émission, on peut la répéter rapidement. Bah écoute, t'es là pour ça, hein, Pascal, Jaime, la Centrale del Raval, Centrale de Mallorca et By Bars, rue Montaner. Et puis il est à Toulouse, à Paris. C'est une édition à compte d'auteur. Hein. D'accord. Parce que je ne suis ni journaliste, ni sociologue, ni économiste. Rassure-toi, hein, comme nous ici à la radio, les radios, les micros sont ouverts bien sûr. C'est un plaisir que de te recevoir, débattre ce soir sur ce thème qui, on pourrait croire, est tabou, pourquoi pas, effectivement, hein, parler de politique, même de Barcelone jusqu'à Paname, on sait qu'on nous écoute. Los Garbacho, et ouais, la voix de Barcelone, entre autres, et Pascal Coma, donc tu nous disais ton bouquin « Penser au brousse-poil », c'est bien ça. Penser au brousse-poil, oui. Et c'est un livre qui traite notamment du terrorisme intellectuel de la gauche et de ce qui fait qu'aujourd'hui un vrai débat n'est pas permis en France sur les questions, enfin est rarement permis on va dire en France, sur les questions sociales, économiques. D'accord. Mais justement par rapport à toi, ton bouquin, ta vision sur le cannabis, tout ça, les dépendances, c'est un peu contradictoire par rapport à Sarko. J'imagine ton bouquin n'est pas du 100% Sarko, heureusement, puisque c'est tes visions personnelles de pourquoi la France marche ou marche pas. Entre autres, donc, toi, par rapport à Nicolas, là-dessus, sur la prohibition Mais donc, ce que j'explique dans mon livre, c'est que la prohibition du cannabis, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce que, d'une part, ça permet de créer des trafics. Enfin, bon, on ne va pas développer. On connaît tous le genre de trafic que ça permet de développer. Le genre, ça finance des réseaux terroristes. Ça s'est confirmé, d'ailleurs, ces derniers temps, que des réseaux comme Al-Qaïda, leur principale source de financement, étaient en France et en Espagne. Mais aussi parce que, bon, d'une part, ça ne sert à rien. Parce que, de toute façon, la plupart des jeunes fument. Ce n'est pas que ce soit interdit qui va les empêcher de fumer. En revanche... C'est la pénurie en France, hein, apparemment. Ouais. Il y a eu un gros coup de pied dans le cul de tout, c'est la pénurie totale, hein, ouais, presque totale. Hein, c'est encore les méfaits du père Sarkozy. Ah, je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Des choses mises en place, effectivement, les réseaux sont tombés, tout ça. Mais enfin, un autre des arguments que je donne pour donc légaliser le cannabis, c'est que d'une part, ça peut permettre de recycler les dealers, mais ils ont qu'à ouvrir des boutiques. Comme ça, ils paieront des impôts, la TVA. Ça te fait marrer, tu vois. Et les impôts, ils paieront des impôts, exactement. Et enfin, la raison peut-être la plus importante, c'est qu'il y a beaucoup de... À cause de la prohibition, il y a beaucoup de trafics qui ne sont pas contrôlés, donc il y a beaucoup de hachiches qui sont coupés avec des produits qui sont extrêmement nocifs. L'herbe avec comment dire de le cirage de henné. Actuellement c'est du verre, hein, du verre. Il y a des problèmes sanitaires. Donc il y a des choses qui sont terribles pour la santé. Sans compter que le cannabis en lui-même, la substance, hein, sans faire la morale, là aussi. Mais enfin, on sait très bien que c'est pas complètement innocent. Et les gens qui ont fumé pendant 20 ans... Tu disais que c'était déjà trop tard pour certains. Ça ne servait plus à rien d'arrêter. Bref, donc ton point de vue là-dessus, c'est intéressant également. Pascal, c'est franchement, c'était génial ce débat. On a toute la on va pas dire toute l'assemblée, hein, on va dire 3 dixièmes de l'équipe, 3 douzièmes de l'équipe, parce que ça aurait été dur les inviter tous ce soir, hein, comme on disait l'autre fois avec les Marseillais et son orchestre, Pascal, quand t'étais là. Heureusement que t'es venu tout seul, parce que des fois on est à 20 000 dans les studios. Ce soir, c'est cool. Hein, on se permet de discuter tout tranquillou. On va s'écouter une petite chanson. On fait un petit break. Il nous reste une demi-heure. Et puis ça va être intéressant justement de savoir, parce que dans la troupe, il y a des gens du milieu de la musique et puis des artistes. Mais on va surtout passer pour cette demi-heure, changer d'air et parler bien sûr de culture. Allez, on se met un truc bien bourrin. Tagada Jones, Bengatio. Ça, c'est pour la Bretagne. Donnez-nous le pouvoir d'être entendus de l'État sans être... Gabacho Bandarom, ouais! Ouais, en direct live de Barcelone, pour pas changer, hein, ce que c'est le lundi au soleil, comme on a pu voir un certain Thomas Osnak dans sa pièce de théâtre. Le jeu, ma foi, c'était quand? C'était samedi, la dernière. Hein, c'est bien ça. On a Thomas en face de nous. Comment il s'appelle son collègue de Butano Bazar? Il s'appelle Julien. Il y a Julien qui est là également. Et puis une voix, une charmante demoiselle qui est présente. Magali. Magali de toute la troupe. Le jeu, on va Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas charmant nous-mêmes? Bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc il nous reste une petite demi-heure, Pascal, tu vas rester encore après nous, parce qu'on on va peut-être parler politique jusqu'à la fin, il y a encore peut-être d'autres petits sujets qui vont peut-être retomber, on ne sait comment, parachuter de je ne sais où. Bref, de Barcelone sur contrabanda.org sur le net, voilà, et puis les rediffs, et puis ici sur la FM 91.4. Voilà, sur la FM Radio Libre, les micros sont ouverts. Donc voilà, l'ambiance se détend un petit peu, puisqu'on va parler culture, on va parler cinéma, comédien, tout ça. Un peu comme les politiciens, on le sait bien, ma foi, dans leur campagne et dans leur vie de tous les jours. Vous le vivez comment, toute la troupe, ma foi, bah, j'allais pas dire les élections, mais votre pièce, là, les trois jours qui s'est passé, ça a été blindé, hein, ça a bien fonctionné, ouais, hein, c'est bien quatre. Ça Magali? Oui, complètement. On a fait quatre présentations et bien, tous les soirs. Ah, l'accent du sud, c'était une surprise, nos auditeurs, tout ça, et, ils vont se dire, mais oui, on est en Méditerranée, hein, comme... comme plein de monde ici. Bref, alors ma chère, quatre représentations, ça enchaînait, là tout le monde devait être sur le qui-vive, j'imagine, c'était une première pour vous, cette pièce, le jeu. Mm-hmm. Vous l'aviez fait avant, non? C'était 4 jours d'un coup. Non, on l'a créé juste avant et on l'a fait en 4 jours. Enfin, en 4 jours, on a joué 4 soirs, mais... Vous l'avez fait en 4 jours. Non, on l'a pas fait en 4 jours. Tout a été fait en 4 jours, en fait. Ouais, le montage, la vidéo, le tournage. Un peu le défi, on faisait tout par 4. Voilà, c'est ça. La maison était 4, puis bon, on s'est dit que finalement 10, c'était mieux. À l'arrache, pas du tout, parce qu'on a pu voir qu'il y avait des moyens mis à disposition dans une charmante salle avec des pierres apparentes, ma foi. Des pierres précieuses. Alors pourquoi tant précieuses? Je crois qu'il voulait dire une connerie, là, en fait. Ouais, d'accord. Ok. T'inquiète pas. Donc, effectivement, joli petit théâtre, c'était où exactement? Moi, je t'avoue, je me suis gouré. Hein. Je suis allé au Lentiole, à côté, dans la rue parallèle. T'es venu là? J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Rieretta. C'est la rue Rieretta. Le Lentiole est dans la rue Rieretta. Et le Rieretta n'est pas dans la rue Rieretta. Avant, oui. Ce qui est assez curieux et mal fait, je trouve. Bah, ça paraît bizarre, cette histoire. Avant, la Rieretta était dans la rue Rieretta. Ils ont changé il y a une dizaine d'années. Ils n'ont pas eu l'idée de changer le nom du théâtre. Ou le nom de la rue. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Donc, alors, effectivement, et ça, c'est la rue où il y a un squat des Ruina Maria. Il y avait une teuf hier, juste à côté, ouais, en soutien de l'antenne d'Exino qui ont des problèmes dans le Raval. Et donc, alors, juste au-dessus, c'était dimanche, c'était à partir de mercredi. Après, c'était jeudi, vendredi. Et samedi. Et samedi, bah ouais, bah 4 jours, c'est bien ça, on est d'accord. Les 4 à la suite. Donc, alors, ça s'est bien passé, toute cette équipe, hein, ma foi. Super. Hein. Super. Oh, quel enthousiasme. Ouais. Non, parce que, effectivement, tous vos potes sont venus. Moi, j'étais surpris de la moyenne d'âge, je tiens à vous dire, hein, le dimanche. Ouais. C'était 35-40, la moyenne. Bah ouais, mais tous les soirs? Tous les soirs. Ouais. Enfin, moi, je me suis posé des questions justement par rapport au public. Parce qu'il n'y avait que des francophones. Et ça manquait d'Erasmus, tout ça, de jeunes, quand même, un peu plus, quoi. Je ne sais pas. Mais les jeunes ne lisent plus. Nous sommes d'une génération, la dernière génération, des gens cultivés qui lisent beaucoup, tu vois. Et les jeunes, à Pascal qui est juste à côté. Les jeunes, maintenant, s'aboutissent devant les PlayStation et autres jeux vidéo. Et ne savent pas revenir aux sources, si tu veux, de la matrice essentielle culturelle qui est le théâtre. Voilà. Le théâtre. Non, je crois que peu de jeunes étaient au courant, en fait. On aurait peut-être dû faire de la promo un peu plus au lycée français, des trucs comme ça. Parce que c'est le truc aussi, c'est que c'est en français. En même temps, on n'aurait pas eu assez de place dans le théâtre. Donc. Il y avait des Espagnols qui étaient là, des gens à moitié francophones. Je ne sais pas s'ils ont tout compris. Beaucoup d'amis qui veulent nous... Enfin, beaucoup d'amis. En même temps, je n'ai pas tellement d'amis, moi. Oh, il y avait les amis des autres, en tout cas. Julien cherche des amis. Voilà. d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que je l'avais dit, moi, me concernant, en tout cas, je l'avais dit à très peu de gens, voire personne, parce que j'étais terrorisé, parce que voilà, on est une troupe amateur et... Alors, amateur, pourquoi il y en a... Oui, tu l'as vu, toi? Tu l'as vu, le spectacle? Dis-toi, donne-moi ta réaction à chaud. Parce que nous, on était tellement collés au projet, et puis on l'a monté, donc on a pas... Moi, j'ai trouvé intéressant le côté... effectivement, il y avait des moyens, hein, la grande télé. Non, pas du tout. Les moyens, c'est nous. Oui, il y avait des moyens parce qu'on se les a mis. C'est nous qui l'avons créé. L'écran, on l'a créé nous. On a tout fait. Mais c'était très système D, quand même. C'était système D. Système D, mais bon, bien monté, en tout cas. Puis on a été super bien entourés aussi pendant toute la création par Gilles qui nous a fait Gilles Thomas qui nous a fait la vidéo, par le maquilleur. Enfin, on a eu des moyens de professionnels. Mais on a eu un soutien, on va dire, logistique incroyable avec un budget de bout de ficelle. Voilà. Oh, ben, on arrive à faire des choses formidables. Oui. Plus par un réseau de connaissances qu'autre chose, finalement. Enfin, des gens qui connaissaient un maquilleur, voilà, un copain qui connaissait quelqu'un qui savait maquiller, donc voilà, quelqu'un qui connaissait... Ben, un coiffeur aussi. Non, coiffeur, on n'avait pas ça. C'est-à-dire, maquilleur coiffeur. C'est vrai, mais il ne m'a pas coiffé. Oh là là, un soutien incroyable, hein. Effectivement. Peut-être que la loge n'aurait pas plu à Nicolas Sarkozy comme dans les studios de France. Mon avis, c'est bon, c'est pas un problème, ça reste amateur, on est loin du professionnalisme en tout genre. Et alors, une troupe de 10 gaziers, là, 10 gus en couple, alors c'est une relation homme-femme, un peu plus. Ils sont 12. Puis après, disons qu'il y a deux groupes, un qui est le mercredi et un qui est le jeudi. D'ailleurs, on en profite pour venir vous dire, rejoignez-nous. Voilà, on a un groupe le mercredi soir et un groupe le jeudi. Et là, c'était le spectacle du groupe du mercredi, étant donné qu'ils sont avec nous depuis 3 ans. Et le groupe du jeudi, on fait les petites annonces que tu as vues. D'accord, ça c'est les petites annonces, effectivement. Dans le même délire qu'Eli à la fin, c'est bien ça qu'on a pu voir. Et donc, il y a deux groupes. Tiens, c'est marrant ça. C'est comme le groupe du mercredi soir, machin, les groupes de soutien ou quoi que ce soit. Non, rien à voir. C'est pour les horaires pour tout le monde. J'imagine que tout le monde s'y retrouve. Et puis, c'est pas la même troupe, puisque les petites annonces, c'est pas la même chose que les comédiens. Mais c'est la même troupe, c'est. D'accord. C'est les mêmes professeurs. Ah, parce qu'il y a des professeurs parmi les gars. Il y a les professeurs. Ah, d'accord. Que... Magali est professeur. En fait, c'est bon de le savoir. C'est une classe, en fait, si tu veux. C'est un groupe d'amateurs, en fait. Sauf les professeurs qui, eux, sont des actrices. Des vraies actrices. Et tous les autres, on est des faux acteurs. Oui, nous ne sommes rien, en fait. D'accord. Tu ne tiens pas grand chose, effectivement. Bon, moi, je trouvais marrant qu'effectivement, ça s'appelle le jeu. Faut voter à la fin. Moi, je t'avouerais que j'ai retrouvé une collègue qui était avec moi en cours, en première à l'école, en école supérieure. J'ai halluciné, je me dis, tiens, bref, le monde est petit, et une petite parenthèse. Et donc, vous êtes connus comment, vous, toute l'équipe, toute la troupe, là? Justement, parce que y en a qui cherchaient, ils se sont dit, tiens, c'est institutionnel, il y a les professeurs, je ne sais pas. Non. En fait, il y a 3 ans, avec Caro, on a décidé de monter des cours de théâtre. On a commencé avec 7. Ils étaient à peu près 7. Et puis après, toi, tu connaissais Caro, Julien? Oui, moi, j'ai fait la fête un soir avec Caro. On s'est saoulés. Elle m'a dit, tiens, je donne des cours de théâtre. Et à partir de là, ou non? Non, c'est saoulé. On va parler, oui. C'est pas mal, c'était bien. Et à partir de là, elle m'a dit, je donne des cours de théâtre. Et passe. Ce que j'ai fait un an plus tard. Et donc j'ai intégré la troupe, on va pas dire que c'est un lapsus révélateur, surtout pas. Non, surtout la troupe. Non, c'est la troupe. La troupe, on verra plus tard la troupe. J'ai intégré la troupe. Dis la troupe. Ouais, j'ai donc intégré la troupe à Caro. Toute la semaine plus tard. Toute la semaine là. Le jeu, alors il y aura d'autres représentations ou là c'était exclusif? Il y en a eu d'autres avant? Vous avez mis combien de temps à préparer ça? Non, en fait, tous les 4 jours, ils ont dit. depuis septembre, on fait des impros auxquels on travaille. Et ces impros, c'est ce que t'as vu, c'est ce que les comédiens jouent sur scène. Ah, c'est ce que j'ai vu. Ah ouais, d'accord. Non, je croyais que tu allais me dire tout est improvisé. Ah ouais, c'était improvisé. C'était improvisé, mais c'est des improvisations travaillées. Ah, alors là, ça c'est bien explicite. Car l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Je veux pas en savoir plus. Alors, improvisation prévue. Bon, pourquoi pas, effectivement. Et ensuite, le tournage, on l'a fait assez rapidement. On l'a fait il y a un mois à peu près. Ouais, et puis le montage, j'ai fait très vite aussi. Il y a trois semaines. Et puis le présentateur ne joue pas. Non, parce que le présentateur partait à Toulouse. Donc on a dit, on va... Très intéressant, j'ai trouvé le présentateur. Excellent. J'ai trouvé un rapport avec la Flora del Bos dans leur pièce qu'ils avaient fait XXX, où il y a le côté interactif avec le public à la fin. voilà. Ouais. Justement, ce monsieur-là parle avec la demoiselle, ouais, et ça sort du pot, c'est marrant. Ouais. Bah, effectivement, ça c'est prévu quand même, hein. Ça c'est pas improvisé. Ouais, mais non, c'était bizarre, c'était la même demoiselle, tous les soirs, par hasard. Donc, ovation du public, j'allais pas dire un président, je ne sais pas, enfin bref, ça a bien applaudi. Non, on avait beaucoup d'amis dans la salle. Et donc aussi, alors, le lien entre la troupe de théâtre et la musique, parce qu'on a Thomas qui est là au micro, Thomas Osnak, et puis un des musiciens de Boutano Bazar, de groupe. On a joué hier soir d'ailleurs. Au bar électrique, À Gracia. Ça a été, enfin, j'étais complètement exténué, mais après la semaine de théâtre, enfin, je travaillais, enfin voilà, entre le travail, le théâtre et la musique. C'était pour faire la fête après les élections. Oui. Concert surprise, je ne sais pas. On était soulagés hein, après les élections, donc. Je croyais que t'allais dire on était sous. parce que tu disais que ta copine t'a saoulé tout à l'heure. Enfin, rien à voir, hein, le collègue d'à côté. Ah oui, ma copine à la croupe. La croupe de théâtre. Oh, on revient dessus. Donc, multicasquette, comédien, musicien, auteur, compositeur, interprète, monsieur Osnak. Des vrais artistes. c'est sympathique tout ça. La professeure doit être contente. Hein, oui. Christian Magali. Très très très contente. De quoi? J'ai pas entendu. Du côté multiculturel de tes acteurs, de ta croupe. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, on a vraiment des gens qui viennent de partout, de tout âge. Enfin, ça va de 24 à 52 ans. Maintenant. Comment? 25. Ah oui, 25. Elle a eu 25. Ah oui. Les gens vieillissent. La coupe durerait pas la jeunesse. Et donc, c'est vraiment très très sympa, quoi. Ça permet de voir vraiment. Il y a des gens mariés qui ont des enfants. C'est vous dire quand même. Moi, j'en connaissais pas avant. Des gens mariés, j'en connaissais pas. Avec des enfants. Des gens. Ah, c'est énorme. Ah oui, ça. C'est incroyable. Première fois, je vois des gens aussi vieux. Non, ouais, et puis surtout des relations hommes-femmes, parce que c'est moitié-moitié, hein. Il y a ces histoires de couple, ces histoires de jeu là. Alors il y en a un qui tape sa femme, qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a une histoire de sida dans un couple. Il y en a deux qui tombent amoureux, il y en a une qui se prépare pour l'arrivée de l'amant. Ah, de l'amant, exact. Qui n'est jamais venu d'ailleurs. Qui ne viendra jamais. Très belle interprétation, non, puisque c'est. Enfin, oui, c'est la sienne. Du mec qui tchatchait avec justement Marie. Ouais. Ah ouais, super. La tchatch, bravo. Sachant qu'il revenait d'Inde et qu'il s'est mis dans le spectacle en 2 semaines. Et puis il a eu ce rôle à cause d'une blague qu'il nous a fait aussi. Ouais. Il a été puni, il a eu le meilleur rôle en fait. Voilà. On est des gens qui punissent les gens sympathiquement en fait. Le meilleur rôle parce que. C'est alors moi j'ai demandé d'être puni pour l'année prochaine. Non, parce qu'il est très sympa. Non, c'est moi qui m'en sors le mieux normalement. De petits diablotins, conscience. Non, c'est pour rire, pardon. Je t'ai vu en profiter un petit peu justement de. Oui, complètement. Sorti un petit peu du contexte en direct là. On en profite. Il y a quand même avant tout là. C'est pour ça que j'ai fait du théâtre à la base. En même temps, ça marche pas dans. Bah, vu que c'était à moitié prévu par lui-même et spontané, justement, l'histoire relation homme-femme en direct sur les estrades, c'est toujours sympa, quoi, je vais dire, hein. Ouais, j'adore les estrades. On parle aussi du canapé. Bien sûr. Entre autres. Ouais, j'adore les canapés. Non, mais comme dit Julien, on a surtout fait du théâtre pour ça, c'est-à-dire, se serrer un maximum de gonzesses et faire les malins à la sortie du spectacle, enfin. Bon, pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Non, pas du tout. On est très déçus. Ça marche. Non, ça marche. On s'est pris au jeu du théâtre. Maintenant, c'est le théâtre qu'on aime. Voilà. Ah, putain. Ah, mais pas de bol, hein. T'en fais pas. On a complètement déconné. Mais enfin, bon. De toute manière, vous étiez lobotomisé. Alors, c'est ça un peu le thème du truc. Voilà, lobotomisé. Vous avez tous des têtes de furieux là, surtout justement Thomas qui à la fin avait un big smile pour saluer le public, c'était assez impressionnant, ma foi. Alors pourquoi lobotomiser et puis après faire montrer les gens en fait en simultané après avoir vu les images, pouf, on arrive sur scène et revoilà le couple qui est là et pas du tout lobotomisé. Ah, que se passe-t-il alors? Ah ben c'est un flashback. En fait, l'univers de l'écran, c'est en 2027, c'est dans le futur. Et on va montrer des images. Et on sera peut-être vraiment comme ça, en fait. Hein. Qui sait, si ça continue comme c'est parti, c'est bien possible. Vivement. C'est bien possible. Moi, il me tarde. Bon, et on va s'écouter une petite chanson. On va s'écouter, vite fait, un petit Sergent Garcia pour ramener un petit côté latino dans le bordel. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, mais. On a entendu que Pont de Paname et compagnie, des chants révolutionnaires, tout ça. Il y a du monde de vénère ici, là-bas, ou ceci, cela. Vive les élections, ma foi. On va s'écouter. Allez, un petit Sergent Garcia qui dit que ça va mal, acaba mal. Hein, pourquoi ça acaba mal? Allez, on s'écoute le début des Cher 69 aussi. On avait une chanson, mais on n'aura pas le temps de la passer. Voilà. Donc ça, c'est à Metz. On se repasse vite fait. Bah voilà, Sergent Garcia. Hein. On va la voir. Venga, Tio, à la technique, la Pulperia. Ah, parce que ça gère. Il y a pas de souci, Sergent Garcia. Ah mais si on a une minute, on a une annonce à faire. C'est bien. Ah, il y a une petite annonce, bien voilà, sûr, parce qu'on n'a pas fait les annonces concerts ce soir. On s'est dit, les gens, ils vont faire la fête. C'est pas une annonce concert. On a un très bon ami à nous qui vient d'ouvrir un restaurant bouffe française qui s'appelle le Bouche à Oreille et qui est à Gracia. L'adresse. Calle Torrijos, c'est la calle du cinéma Verdi Park. Et on lui a promis qu'on ferait de la pub. Peut-être qu'il nous écoute là tout de suite. Et voilà, il faut y aller parce qu'il est très très beau pour vous, mesdemoiselles, et très sympa pour vous, messieurs. Il est entre Verdi Park et la traversée. Ça s'appelle le Bouche à Oreille. Notez bien ce nom, car ce sera le haut lieu culinaire dans quelques années à Barcelone. Et les gens s'arracheront des places. Ah ouais. Ah oui, absolument. Déjà, toute la troupe de théâtre s'y retrouve. Je croyais que c'était un jeu de mots avec Georges, mais rien à voir. Georges. Non, c'est le bouche à oreille, non, bah, les petites blagues. Ah, le bouche à oreille, oui, d'accord. Bien sûr, allez, on s'écoute Sergento Garcia, Barcelona, Contrabanda, Los Gabachos, hombre. Pense qu'à la politique ici. allez, on est toujours là, on est toujours à Barcelona, Gabacho Banda. En vrai, bah ouais, bah ça change pas, hein, comme d'habitude, hein, comme chaque lundi. Ma foi, jusque quand jusque fin juin, logiquement, Los Gabachos. Et ouais, jusque fin juin, on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, on passe à autre chose. Et voilà, c'est comme ça, entre autres. Et puis voilà, bah on est toujours, toujours dans les studios, hein, toujours Plaza Real, toujours à Barcelone. C'est bien cool, il nous reste 10 minutes. On va écouter, ma foi, les dernières petites informations, parce que mon petit doigt m'a dit, tiens, il se passe des choses du côté de la troupe, que ceci, cela, ou les joindre. Magali, c'est à toi. Moi ? Oui, okay. On t'écoute. T'as le droit de gueuler ce soir dans les micros, il n'y a pas de souci, t'as le droit de gueuler. On donne des cours le mercredi et le jeudi dans le Raval. En fait, on a un site internet que nous appelle Thomas. Comme un blog, tout ça, là vous êtes dans voilà, le troisième millénaire. Ouais, on a encore du travail à faire. 2027, on t'a dit. Exact, voilà. On est d'accord, les martiens, tout ça, c'est eux. Hein? D'une alors autre planète. C'est, je te le dis. Bien sûr, j'espère bien. Allons-y. www. Oui, oui. Point. Et c'est tout. Ouais. Avec... www. Point. Et là, tu atterris sur notre site. Je croyais qu'elle allait dire avec un F pour Nicolas Hulot, tout ça, s'il nous écoute. Non, mais rien à voir. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Bettyburn.org. N'est-ce pas? Bettyburn, B-E-T-T-Y. Burn, B-U-R-N. Je répète. Betty, B-E-T-T-Y, B-U-R-N. Point. Comme un point, il ne faut pas écrire le mot point, il faut taper un point. Ah, org, d'accord. O-R-G, parce que c'est comme une organisation. Exactement. Mm-hmm. Et qui est non à but lucratif, mais plus culturel, voilà. Voire humanitaire. Oh, ouais, bon, faut pas exagérer non plus, mais culturel, on va dire. D'accord, bon, ça reste culturel, ça reste à travers les temps, à travers Barcelone. Ça, vous allez vous déplacer peut-être un petit peu, vous prévoyez une petite représentation? Peut-être en juillet, ouais. Si tout le monde est OK, si tout le monde est dispo en juillet, on va essayer d'aller jouer dans le sud de la France. D'accord. En vacances, en fait, quoi. Voilà. Pépère, on emmène toute la troupe, la vieille roulotte du cirque, tout ça. Hein, et puis la champouineuse, le coiffeur, la coiffeuse, tout ça. Hein, voilà. Bien sûr, on est d'accord. Absolument. La même logistique. Et la coupe. Absolument. C'est énorme. Bon, bah écoutez, il nous reste, allez, 5-6 bonnes minutes d'autres actualités. Ma foi, on a fait le tour de la question. Quand même, on va pas en dire plus, hein, quand même. Sinon, les auditeurs vont se dire, on est au courant de tout ça. Ouais. Mais non, bonne surprise des amateurs. Ouais, des amateurs qui improvisent, des gens vrais, des gens simples. C'est énorme. Et c'est une première, quand même. Une troupe de théâtre ici, à Barcelone, comme ça. Il y en a eu d'autres, je crois pas. Absolument pas. En français, ouais, tu veux dire. Il y a Christian qui fait des trucs aussi. On a vu des noms sur internet, mais. Ouais, on les a squeezés. Ouais. On va faire en sorte de les éliminer. Voilà. Ah ouais, donc déjà une certaine pression, une certaine censure entre vous aussi, ça fait non, peur. Non. C'est ça le monde du spectacle, qu'est-ce que tu crois? le monde du showbiz. Le monde du showbiz, excuse-moi. Le monde people. Mais une super ambiance dans la troupe, c'est ouais, et puis c'est le côté people ici, Barcelone, jet set, bien sûr, on le sait bien, les artistes ici à Barcelone, hein, sous les tapis rouges, du spectacle, de la scène. Hein, merci à vous. Le jeu, on peut vous appeler comme ça, les joueurs, les petites joueuses, tout ça. Je ne sais pas. Les Betty Burn. Burn qui a brûlé ou Born. Voilà, Burn qui a brûlé. Betty qui brûle. Alors ouais. Ça, c'est en référence à quoi ça? En fait, Betty, c'est en référence à Betty Boop et Burn, c'est en référence à Audrey Hepburn. Ah voilà. D'accord. Donc pour le côté. Donc on a fait un mix. C'est quoi? C'est les Américains qui crament avec Betty Boop. Et puis Betty Burn, ça fait Betty Crame. Voilà. Vous appelez les Betty Burniens. Bon, c'est cool là-dessus. Bon, est-ce qu'on va s'écouter vite fait un petit titre, Pascal? On va t'écouter, 2-3 petits mots. Merci d'être venu pour merci cette émission, effectivement. M'avoir invité autant de fois. Hein, bien sûr, c'était non, mais c'était quand même, ça paraissait évident de faire le bilan avec toi sur ces thèmes qu'on en a parlé juste avant les élections, qui étaient l'émission précédente. Voilà, donc effectivement, ça a chauffé à Paris. Il y a eu un vainqueur, des déçus. À voir, voilà, le soutien de qui, avec quoi. Bon, Paname, est-ce que Paris va brûler, on ne sait pas. Il y a des gens de vénère, il y a des gens de contents. La France est séparée. On le voit même sur la carte, Pascal. D'un côté l'Ouest et d'un côté l'Est. C'est assez flagrant. Ah ouais. Oui, il y a une séparation assez nette au niveau des couleurs des départements. Oui, oui. C'est assez intéressant à regarder. Donc la France divisée, la France coupée en deux, à voir dans le futur. On ne sait pas, on en reparlera. Il nous reste 8 émissions avant de passer à autre chose. Une grande fiesta Gabacho qui devrait s'organiser pour clôturer tout le bordel. Plus d'un an et demi de voix libre et puis de micro ouvert à tout le monde pour s'exprimer, bien sûr. Ici à Barcelone, en Espagne. Vive la radio libre. On va se quitter là-dessus. Une petite chanson, les gaziers. On s'est écouté les Virago tout à l'heure pour faire ressortir la sueur, tout ça. Pour, et merci, hein. Ouais, bah, merci. Bien sûr, hein, l'équipe, merci. L'équipe, merci. Le jeu, hein. Et puis, bah, les musiciens, hein, que vous êtes. Mademoiselle chante, peut-être, hein. Elle a peut-être un côté artiste. Mademoiselle chante le blues. Ah, ce soir. Bon, peut-être, elle est peut-être pas la seule. On va s'écouter. Allez, un gros truc vénère américain, tiens, justement, hein, de la scène alternative qui jouait. Alors là, c'était grande claque. Grande claque juste avant. On n'a pas annoncé les concerts, comme on l'a dit. Voilà, débrouillez-vous. Trouvez des bons plans. On essaye de ratisser large aujourd'hui. C'était beaucoup plus sérieux que d'envoyer les gens faire la fête. Vodou Glue Skunk. Sur ce CD, chef, on va aller 2 minutes 50 de pur ska punk américain bien alternatif. Grosse référence. Il y a des groupes qui passent à Barça. Et puis, on se dit à bientôt. Merci à tous d'être venus. Bonsoir. Merci les auditeurs. Paris nous écoute. Merci. On le sait bien, les RG aussi. Salut à tout le monde. Bye bye. À très bientôt. City avec Willyman, on se quitte là-dessus.